Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans l'Estaminerd, votre rendez-vous société, techno et culture pop. Un épisode de l'Estaminerd exceptionnel aujourd'hui puisque c'est déjà notre dixième et peut-être dernier numéro. Dixième numéro et donc on va accueillir un invité tout particulier. Mais d'abord, présentation. Je m'appelle Matt, je suis ravi de vous accueillir dans notre établissement. Nous servons toutes sortes de produits distillés à base de passion, c'est important. Et je remercie une nouvelle fois nos piliers de bar que sont l'intarissable Mister Yanda. Salut Yanda. Et salut les gens, salut tout le monde. Mon petit Yanda, qu'est-ce que je te sers? Écoute, ce soir tu vas me mettre un bol de transpiration parce que je suis en train de fondre sous la caniculasse. Et puis de toute façon, j'ai beaucoup trop parlé la dernière fois, donc je vais me taire beaucoup cette fois-ci, histoire de compenser. D'autant qu'en plus, comme tu l'as dit, on est à l'étroit, hein, on est serré aujourd'hui, donc voilà. Ouais, on a moins de place que d'habitude, ouais. Mais j'ai mis plus de cacahuètes dans le bol. C'est donc, tu devrais parfait, pouvoir t'en sortir. Ouais. Très bien. Nous sommes aussi accompagnés de l'imbulchitable Monsieur V pour Valentin. Salut Val. Eh bien, bonsoir. Qu'est-ce qu'on va te servir et qu'est-ce que tu vas fact-checker ce soir? Je vais te prendre une petite bouteille de New Coca-Cola, s'il te plaît. Ah mais oui. Eh oui, oui, absolument. Oui, du New Coca-Cola. Du New Coca-Cola, absolument. Célèbre boisson de l'apocalypse dans un jeu vidéo renommé. Tu veux pas dire le titre en fait, c'est ça? C'est ça, absolument, je veux pas dire que c'est Fallout du tout. Et qu'est-ce que je vais fact-checker? Je ne sais pas, on verra bien au cours de l'émission. Parfait, et nous sommes aussi avec l'infréquentable Chris 2. Salut mon petit Chris 2. Salut Matt, comment tu vas? Ça va bébé, toi? Ça va bien. Attends, il a pris sa voix de rendez-vous galant. Salut. Qu'est-ce que je vous sers, mon petit Chris 2? Bah écoute, moi je vais prendre un petit bol de sueur de Yanda, du coup, parce que visiblement il transpire beaucoup, et je me dis que peut-être que je vais comme ça m'approprier un petit peu sa connaissance, sa science, sa culture, qui sait? Ouais, parce que t'as consommé que de la graisse de portail, toi, aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui, mais ça fonctionne, ça y est, j'ai un portail qui fonctionne. Ah, bon, c'est bien. Pour être sûr c'est que bien. Vous ne rentriez pas chez moi, voilà. Et que tu puisses nous voir avec ta grille fermée depuis ta fenêtre pour dire « Je n'ouvre pas! Je n'ouvre pas !» Mais bon, le plus intéressant est à venir car notre invité de ce soir, j'ai le plaisir d'introduire notre guest, car il est là pour de vrai, je le vois sur ma petite webcam, c'est Mister Punky. Salut. Bonsoir, salut. Eh oui, et voilà, déception du public, les gens voulaient rétrophile, les gens voulaient Marvel, des chroniques de Marvel, vous aurez Punky, voilà, hein, parce qu'on est content, parce que... Punky, tu connais tout le monde, en fait? Yanda, que je rencontre, il me semble. Tout à fait. Et sinon, je connais tout le monde. Ah donc, il va falloir que Yanda soit à la hauteur de notre ami. Les amis de mes amis sont voilà. Mes amis. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne parlerai pas, du coup, comme ça, pas de... Ah oui, d'accord. Avec question de pas faire de conneries. Punky, mm-hmm. Si on t'a invité à participer à cette émission, c'est évidemment parce que t'as plus d'audience que nous et donc on espère qu'on fasse un bon coup de pub. J'espère que ça vous filera un petit coup de pouce, j'aime bien aider les petits jeunes qui débutent. En vrai, tu touches à plein de domaines qu'on aime bien. Tu fais du, t'es dans le rétro gaming un peu, tu t'intéresses aux films un peu nuls, tu fais du podcast, tu fais du YouTube, t'es partout. Ouais. Et on n'a pas l'occasion de t'entendre sur ces sujets-là parce que en plus de produire du contenu, t'es le genre de mec qui analyse un peu ces plateformes et tout ça. Et donc t'as des choses à raconter tout ça. Et on ouais, a plein aussi. De choses à voir ensemble. On va parler donc de tout ça aujourd'hui. On va aussi parler de ce podcast dont je n'arrive pas à dire le nom et que tu animes et dont il faut qu'on parle. Some Stoner Stuff. Voilà. Alors pendant qu'on fait la présentation et la fin de l'intro, allez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et surtout, comme dirait Mister Yanda, mettez les 5 étoiles. Voilà. On va parler donc de tout ça aujourd'hui. Il y aura des anecdotes perso, il y aura un quiz pas préparé par Valentin parce qu'il vient d'apprendre qu'il devait faire un quiz dans une heure et donc voilà, ça va être super. Mais avant tout, Mister Yanda, avant tout, hein, pour commencer, on soutient, on passe par les liens d'affiliation, le code créateur. Ah putain, j'ai cru que tu l'avais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ouais, ou quoi, ouais, là, ouais. Il faut que les automatismes reviennent. Pensez, voilà. Mais enfin, excuse-moi, c'est parce que moi, franchement, j'avais oublié vos visages. Je suis en train de farmer de la crypto-monnaie là. Je farme à gogo, donc je suis riche. Je crois, peut-être, mais je peux peut-être tout perdre demain. Donc voilà, je suis riche pour l'instant. Profitez-en. Donc les liens affiliés, bordel, et le site estaminerd.fr pour retrouver tous nos épisodes. Mais pour l'instant, on va parler de Punky et on va parler de YouTube. Et on va plutôt parler de YouTube avec Punky que de Punky avec YouTube. Et notamment les secrets, le bot, le très méchant bot et tout, parce que toi, t'as compris comment ça marchait. Je commence par... Je sais pas si j'ai compris. Attends, tu fais comme si j'avais 1 million d'abonnés et que je roulais en Lambo, Lamborghini et tout, ce que tu veux. Non, je crois que j'essaye de le comprendre. J'essaye. J'y travaille. T'es un peu trop honnête pour rouler en Lamborghini et tout ça. Un peu trop. J'ai un truc qui m'embête, c'est une sorte d'épine que j'ai dans le chest, ça s'appelle l'éthique. Et malheureusement, quand tu l'as, c'est difficile. Ouais, souvent quand t'as des tics, ouais, ça fait mal, ça pique un peu, surtout sur le pied. Ouais, ouais, surtout en août. Hey c'est dur à retirer et tout après. C'est un mec qui a eu la gale qui te raconte ça. T'as eu la gale Oui, absolument. Pour ça, il faut écouter l'épisode précédent de Les Stamineurs. Donc, je raconte comment j'ai chopé la gale dans mon premier logement étudiant. C'est quel bonheur. Ouais. je sais ce que c'est, j'ai chopé en foyer, moi. Ah bah, c'est le podcast d'Octissimo, c'est parti. Je voudrais commencer par une anecdote et une révélation et le truc qui m'a fait complètement bugger sur Punky, ta vie, ton œuvre et tout ce que tu as fait. On s'est rencontrés avec les gars en 2014 quand j'ai initié un truc qui s'appelait lescomics.fr et qui était un collectif de vidéastes. Et moi, je me suis dit, il y a plein de gens qui sont sur YouTube, des gens qui ont beaucoup d'audience, comme Chris par exemple, qui avait beaucoup d'audience déjà par rapport aux autres, et des YouTubeurs qui ont moins d'audience. Et je me suis dit, on peut faire un système où les mecs profiteraient de l'audience les uns des autres et feraient un système de vases communicants. Et ceux qui ont le plus d'audience permettent de faire gagner des abonnés à ceux qui ont le moins d'audience. Et ça fait un truc... ça me dit quelque chose, ouais. On met en avant tous les gens qu'on aime bien, ce genre de trucs. Mmh. Et j'étais hyper fier de mon idée. Je connaissais très très mal le game. Et moi, j'étais un peu en mode « Putain, mais j'ai inventé le collectif YouTube, quoi !» C'est ouf, hein. Et puis après, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle « Prestart Button ». Qui est un collectif dont tu serais à l'initiative. Est-ce qu'on peut reparler un peu des années Prestart Button? Parce que t'as lancé le joueur du grenier. Ouais, s'il te plaît. Non, j'ai pas lancé le joueur du grenier. Je pense que s'il n'y avait pas eu Prestart Button, le joueur du grenier serait lancé tout seul. Il n'y avait pas besoin Arrête, de. Arrête, c'est pour l'audience, putain. Mais. Non, mais faut être honnête. Au départ, effectivement, on était une plateforme et on découvrait des vidéastes. Et c'était une époque où la vidéo, c'était surtout des mecs qui étaient sur des formats 20 minutes. Qui se filmaient en train de jouer et qui testaient des vieux jeux ou qui testaient des nouveautés, des jeux 360 à l'époque, c'était tout neuf et tout. Et voilà, et c'était plus ça, il n'y avait pas trop de webcam, on entendait juste leur voix et du gameplay, et j'en testais les jeux. Et donc on essayait de repérer un petit peu des talents parmi ça, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient à émerger, à faire autre chose, dont je faisais partie aussi avec le site, on créait aussi de la vidéo. Et puis au bout d'un moment, on a rencontré Fred qui faisait ses 300-400 vues bien tassées. Et qui avait déjà un haut level. Nous, on a vu tout de suite l'affiliation à la VGN, donc l'équivalent américain, qui était déjà bien connu depuis 4-5 ans. C'est quoi, tu dis quoi, l'affiliation à la VGN, c'est quoi? AVGN, l'Angry Video Game Nerd, qui était un vidéaste américain, qui continue toujours aujourd'hui, et dont Fred le JDG a toujours dit s'être inspiré, il n'y a pas de souci. Qui teste donc des mauvais jeux, principalement. Ah, quand t'as dit affiliation, j'ai cru qu'il y avait de l'argent, c'est pour ça. C'est la Yonda Touch. Non, j'ai dit l'affiliation en deux mots. Là, plus loin, affiliation. Ah oui, très bien. Ouais, désolé, excuse-moi. Mais nous, on avait tout de suite vu le potentiel et on s'est dit, déjà, on va lui offrir une première fenêtre pour que les gens puissent découvrir ce qu'il a fait. Et puis ensuite, évidemment, le succès étant, on était content qu'il soit copain avec nous parce que déjà, on le voyait sur les salons, c'est un type sympa. Et puis, on faisait la même chose et on n'était pas beaucoup à le faire. Donc, des gens qui faisaient la même chose que ça, que ce que je faisais, il n'y en avait pas beaucoup. Et on est en 2012 à ce moment-là, c'est ça ? Le JDG est arrivé sur le site en 2010 ou 2011, fin 2010 il me semble, c'était juste avant la vidéo de Téléchat, c'était sur la vidéo Dragon Ball je crois, sa première vidéo Dragon Ball NES. C'était les années Dailymotion. C'était les années YouTube / Dailymotion, mais lui il a toujours été sur YouTube dès le départ quoi, même si ouais. La plupart des vidéastes effectivement étaient sur Dailymotion. Donc qui étaient les membres de Prestart Button? Alors, il y a deux membres fondateurs, moi et une autre personne dont le pseudo est Xelan, mais qui a un peu disparu d'Internet, qui fait plus trop d'Internet. Et ensuite, en fait, on a un petit peu démarché plein de vidéastes qui débutaient. On a eu donc Fred, Benzaï est passé par chez nous. On a eu Usu, on a eu 80 miles à l'heure avec Realme Up, Cœur de Vandal, tout ça. Tout ce qui se faisait en fait en jeux vidéo et internet, puis après on s'est exporté cinéma, séries, comics, etc., etc. C'est à cette époque-là surtout que j'ai connu Chris, qui faisait des vidéos déjà avant avec Arrête où mon geek va tirer, où il faisait déjà de la culture geek et on essaie déjà de passer un peu plus, s'élargir sur la culture geek. Et ensuite, bah, on a rencontré tout le beau monde grâce moi à Comics Ray. Je t'ai rencontré toi, et puis il y a eu V pour Valentin que je connaissais. Je sais plus, V pour Valentin, j'ai l'impression de le connaître depuis tellement longtemps. Ouais, j'arrive même pas à me souvenir non plus de c'est quand... ouf, hein. Je crois que déjà à l'époque où tu faisais des 2 minutes du peuple et des trucs comme ça, on communiquait dans les commentaires de tes vidéos, des trucs comme ça, on s'envoyait des petits. C'est probable. C'est comme Durendal, c'est un mec, j'ai l'impression de le connaître sur internet depuis. C'est les vieux de la vieille. Ah là là, cette époque. Quelle époque. Voilà, il n'y a que Yanda qui est resté sur le bord de la route depuis le début. Il faut bien commencer un jour, hein. C'est bien. Dans 10 ans, il pourra dire qu'il était là. En voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, 10 ans de vidéo, plus. Plus et... 13 ans. Ma première vidéo sur Internet date de 2007. Et aujourd'hui, ton activité principale, t'es créateur de contenu. Ouais, je pense que ouais, même si mon activité principale actuellement, officiellement, c'est le RSA, mais parce que malheureusement, créateur de contenu, bah, ça paye pas autant que ça devrait, surtout que moi, c'est très particulier, je fais pas d'OPSP, je suis 100% indépendant, c'est presque une... C'est quoi une OPSP ? Une OPSP. T'as jamais fait NordVPN, par exemple, c'est ça ? Voilà, NordVPN, Red Shadow Legend, les trucs comme ça, moi, ça m'intéresse pas de faire de la publicité, tout ce qui est publicité en général. La publicité avant et après mes pubs, bah, je la laisse parce que les gens ont un pouvoir de décision dessus en mettant adblock et tout, donc ça me va. Mais à partir du moment où la publicité elle est imposée, moi ça me gêne. Et dans une OPSP, bah bim, souvent ça te tombe dessus, tu te prends une pub. Ah, je voulais cliquer pour voir un truc intéressant, pas pour voir une pub. Ça, moi ça me dégoûte toujours, donc c'est un truc que j'évite. Donc je suis 100% indépendant et je fonctionne via Tipeee, Utip. Et je fais du Twitch à côté un petit peu aussi pour pareil, hein, ça met du beurre dans les épinards et ça me permet pour l'instant de financer l'intégralité des vidéos qui sortent sur ma chaîne, c'est-à-dire que tout ce que je gagne pour l'instant part dans les vidéos, part dans le home studio que je suis en train de monter dans le sous-sol de mon appartement. Et du coup, pour l'instant, je ne me paye pas, donc je peux pas dire que globalement je gagne ma vie avec YouTube et que c'est mon activité principale. Mais j'essaie de faire en sorte que ça le devienne. Et puis en attendant, à côté, je fais d'autres petits trucs aussi qui font que de temps en temps, je peux avoir des petites rentrées de thunes et tout. Donc c'est pas qu'un seul métier, c'est plein de métiers différents en fait. Twitcher, streamer, auteur, ce que tu veux quoi. Du coup, c'est quoi la différence, pourquoi est-ce que tu dis que YouTube te paye pas assez et que Twitch permet de mettre du beurre dans les épinards ? Mais c'est-à-dire que si j'avais pas Twitch, parce que Twitch, il y a le système d'abonnement, les gens peuvent faire des dons. En vrai, je fais pas le débile, je connais très très mal Twitch et j'ai du mal à me mettre à la plateforme. Alors en fait, Twitch c'est donc du streaming en direct. Et en direct, les gens peuvent s'abonner, donc ça leur débloque des emotes, des possibilités dans le chat, etc. Ils s'abonnent et tous les mois, en fait, ils sont abonnés à ta chaîne. Bon, il y a un gros pourcentage qui va chez Twitch, mais tu gagnes un pourcentage de cet abonnement. Ils peuvent faire des dons, ils peuvent, etc. Donc c'est un truc qui se fait sur Twitch pour t'encourager. Tu mets des objectifs. Voilà, par exemple, moi, sur mes derniers streams, il y avait un objectif qui était un objectif de 80€, tu vois. C'était pour me payer un meuble pour mettre tous mes jeux de console portable parce que j'avais plus de place à la cave. Et du coup, on a fait l'objectif, il a été rempli en quoi ? En 2 semaines. Les gens ont mis 2€ par-ci, 5€ par-là, etc. Et moi, ça me permet de continuer à meubler mon home studio, tu vois, un objectif comme ça. Là, j'ai mon meuble, c'est un truc que j'ai pas à payer avec le Tipeee, par exemple. Donc, le Tipeee, je peux le garder pour le budget de ma prochaine vidéo et faire une vidéo un peu plus ambitieuse, etc., etc., tu vois. Ça passe bien ton rapport de créateur de contenu avec l'argent ? En général, tu vois, les gens, ils râlent sur... ouais, ils demandent de l'argent, alors que c'est juste ta passion, tu devrais pas être payé pour ça, c'est ta passion, quoi. C'est un métier passion. Ben, j'ai fait 2007-2014, tu comptes, j'ai fait 7 ans de vidéos sans gagner d'argent. Sans demander d'argent, tu vois, sans ne serait-ce que... Sans rien demander, tu vois. Mais il y a un moment où, bah, quand tu fais ça 7 ans, tu commences à t'ennuyer, t'as envie de faire des trucs mieux, t'as envie de faire des trucs plus ambitieux, t'as envie d'être plus créatif, t'as envie d'être plus performant aussi, tu vois. C'est con, mais avoir un peu de budget, ça te permet de payer un illustrateur, par exemple, et de te faire faire des miniatures super jolies sur lesquelles les gens ils vont cliquer, etc. C'est pas... Ouais, ton avatar, il est mortel. Encore une fois, il est top. Ouais, bah c'est Monsieur Biscotte, donc qui fait aussi les illustrations de la case rétro.fr, le podcast très connu sur le podcast univers francophone. Alors le mec fait pas de placement de produit parce qu'on vient écouter des trucs cool et on veut pas se prendre une pub. Par contre, dès qu'il est dans le podcast des autres, tac, il drop du name et tout. Comme je dis, je suis une entreprise familiale. les gens qui donnent sur mon Tipeee, ils sont presque producteurs, c'est-à-dire que vraiment ils ont une ils n'ont pas un droit de regard dans le sens où je décide de ce que je fais, mais ils sont au courant de toutes les étapes de production des vidéos, etc. Et tu vois, c'est presque comme s'ils étaient, comment on appelle ça, sociétaires, en fait, de mon projet, en fait. C'est comme s'ils avaient une espèce de pouvoir de dire, bon, bah voilà, tant que ça me plaît, je continue à financer ça. Et du coup, le côté entreprise familiale fait que, bah ouais, évidemment que je vais citer la case rétro, évidemment que je vais citer, parce que tout ça, en fait, même mon podcast Samsonner, ça, c'est des médias qui sont très underground. Encore, le podcast, c'est underground, je trouve. C'est pour ça que j'adore, c'est que ça devient mainstream, mais il y a encore une partie du podcast français qui est ultra underground. Et moi, je kiffe, tu vois, mon podcast Samsonner Stuff, il fait même pas 300 écoutes, tu vois. C'est déjà beaucoup, tu vois, mais par rapport à ce que je peux faire en vidéo ou quoi, c'est rien, mais je le fais pour le plaisir aussi, pas pour gagner de l'argent, donc ça rejoint aussi ce que tu dis. En fait, les youtubeurs qui ont un problème avec l'argent, c'est les youtubeurs qui en gagnent, et qui en gagnent pour eux. Moi, t'as jamais eu de remarques désobligeantes, toi, ou désagréables de gens qui vont te reprocher ça ou de la manière dont tu fonctionnes? Si, au début, mais comme j'ai dit, suffit que je leur dise la vérité, c'est-à-dire, bah mec, je me paye pas, je suis au RSA pour l'instant, donc c'est pas comme si je me payais des vacances. Enfin, j'ai pas pris de vacances depuis 10 ans, je fais ça, je suis enfermé chez moi toute la journée devant un PC. C'est de la passion à la base, c'est juste que je voudrais que la passion, moi, elle puisse, bon, ne pas me faire perdre d'argent, donc c'est pour ça que je finance mes vidéos via Tipeee. C'est pas les 300 euros de budget pour acheter les jeux, pour tout ce qu'il faut, etc. Je vais même pour entretenir le matériel, etc. Je vais pas les sortir de ma poche, sachant que je gagne déjà pas ma vie. Et surtout, bah, dans un deuxième temps, ouais, si je pouvais gagner ma vie, ne serait-ce qu'un SMIC avec, ouais, je serais trop content, quoi. Je fais tout pour. Est-ce qu'on peut faire un point de différenciation entre l'argent sur YouTube et sur Twitch? Je trouve qu'il y a une véritable différence d'approche du public, c'est-à-dire que sur Twitch, les gens sont hyper enclins à te soutenir, à essayer de financer ton taf et de soutenir ton taf. Sur YouTube, dès que tu commences à parler de Utip ou Tipeee, t'as quand même droit à beaucoup de « Oh attends, c'est pas ton boulot, c'est ta passion, on va pas te donner d'argent. » Et c'est un truc. Tu peux leur faire ton analogie avec le cuisinier? Ben ouais, moi c'est un truc que je dis toujours. Enfin, moi j'ai un pote qui est cuisinier, ça dans la vraie vie. Hein. Coucou Stéphane, allez manger chez lui. Vas-y, l'adresse. Mais surtout, c'est important. Si vous allez manger chez lui, pensez au code créateur, s'il vous plaît. C'est hyper important. Écoute, tu veux que je drop ça s'appelle la maison de Steph et c'est à Saint-Arnoux, près de Deauville. Voilà. Et si vous y allez, vous pouvez y aller de ma part. Vous dites, vous venez de la part de Chris de Comics Rise. Ça sera pas meilleur pour autant parce que c'est toujours bon. Mais voilà. J'ai eu peur. Comment il s'est rattrapé? Ouais, j'essaye de le vendre bien, mais je suis pas fait pour ça. Mais sans vouloir invalider ce que tu dis aussi, Chris, ça tu le ressens aussi peut-être parce que, bon, sur ta chaîne, t'as aussi un public de vieux, c'est-à-dire des mecs qui te suivent depuis longtemps, qui sont des vieux de l'internet, qui ont l'habitude de leur Dailymotion où les gens montraient pas leur tête parce que sinon c'était des gens qui avaient un ego trip, tu vois. À l'époque Dailymotion où si tu montrais ta tête dans une vidéo, t'étais un vendu. C'est totalement ça. Ouais. Donc toi, t'as ce public-là qui est resté. Maintenant, moi, la majorité de mon public, il y a ces gens-là qui me suivent et il y en a qui l'acceptent pas. Et dans ces cas-là, j'essaie de leur expliquer, mais je peux pas faire plus. Mais il y a aussi le nouveau public. Qui lui est très très habitué à ça de par Twitch justement, qui est souvent sollicité, et du coup c'est pour ça aussi que la façon dont tu vas le entre guillemets vendre ton Tipeee, elle est un peu différente qu'à ces gars-là, qu'aux anciens. Les anciens, il fallait leur vendre avec beaucoup de prudence, en mode attention, machin. Il fallait le dire une bonne fois, faire une grosse vidéo pour bien expliquer, machin, limite donner les factures de ce que tu vas faire avec l'argent. Alors qu'avec le nouveau public, il faut juste en parler, mais que ça prenne pas beaucoup de place, que ça les gêne pas dans leur lecture s'ils peuvent pas donner, ou c'est parce que c'est des gens qui sont trop sollicités. C'est des gens qui sont sollicités à longueur de temps sur Internet, sur Twitch. Ah oui, bon, sur... on est complètement d'accord. Donc, ouais. Du coup, la dynamique, elle est différente. Moi, je vais faire beaucoup plus attention à pas trop insister sur le Tipeee, à ce que ce soit discret dans le générique, etc. Et à avoir des contreparties qui valent le coup. Plutôt que à me soucier des gens que ça va, qui vont peut-être pas passer le pas. Parce que les gens qui hésitent, de toute manière, t'arriveras pas à les convaincre, ils se convaincront eux-mêmes, quoi. S'ils vont me donner ou pas. Et régulièrement, moi, j'ai des types de gens qui disent, bon, bah voilà, il y a quelques années, quand ton Tipeee, enfin, quand tes vidéos étaient en mode top 6, donc que c'était pas encore ultra léché, que ça avait encore ça avait de beaux jours devant, quand la chaîne avait de beaux jours devant elle, il m'a dit, moi, j'étais pas très très chaud du Tipeee et tout. Et par contre, il a vu. Moi, je suis pas chaud du Tipeee, tu vois. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce message-là, j'ai eu dans un type, tu vois. Je l'ai eu avec un type. Et il me dit, bah, maintenant, je comprends ce que Tipeee peut apporter à ta chaîne, tu vois. Donc, des fois, juste des actes, c'est suffisant. Les gens changent d'avis et ils s'en rendent compte eux-mêmes, quoi. Après, la différence entre YouTube et Twitch, c'est que YouTube a mis du temps avant d'avoir une espèce d'économie autour de la production de vidéos et tout ça. Et j'ai l'impression que, après, pareil, je connais pas trop Twitch, mais j'ai l'impression que assez rapidement, Twitch se basait là-dessus aussi. Twitch est né avec, ouais. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est encore pire que ça. Enfin, c'est très logique. C'est parce que YouTube, déjà, il a mis longtemps avant de proposer des systèmes de dons et tout. Donc, que l'économie part de là. Donc, il mettait pas du tout en avant cette économie parallèle avant, et avant elle était et même encore aujourd'hui elle est principalement gérée par des externes, c'est-à-dire Tipeee, Patreon, Utip, ouais. Alors que Twitch a intégré ça directement dans son, même si tu peux faire encore appel à des trucs externes, moi je sais que mes dons je les gère via Tipeee sur Twitch, mais eux en interne ils ont les bits, donc t'achètes 1000 bits et puis tu peux donner 100 bits par-ci, 200 bits par-là, et c'est équivalent de centimes, quoi, au final. Il y a des politiques qui ont eu des problèmes pour ça, hein. Affiler 100 bits par-ci, 100 bits par-là, c'est tendu, hein. J'en reviens à mon analogie du coup du cuisinier, désolé pour la digression. Ah oui, c'est vrai que je t'ai coupé, pardon. Je disais donc en fait, quand c'est encore un autre problème, hein, par rapport à la différence entre YouTube et Twitch, mais sur YouTube on a souvent droit au fameux non mais c'est pas ton métier, c'est ta passion, tu ne peux pas gagner d'argent avec, sauf que bah il y a des tas de métiers qui heureusement sont aussi des passions. Donc il y a évidemment le cuisinier, le musicien, les médecins. Je pense que les gens par exemple qui sont de grands médecins sont quand même passionnés par ce qu'ils font, parce que si le mec s'en bat les couilles pendant qu'il t'opère du cœur ou du cerveau, moi j'aurais pas hyper confiance. J'espère quand même qu'il est assez impliqué dans ce qu'il fait. Donc ce côté, tu vois, c'est pas ton métier, est en plus généralement faux, puisque aujourd'hui je vous invite à aller voir le nombre de catégories qu'il existe quand vous voulez monter une auto-entreprise. Vous pouvez voir que n'importe quel truc en fait peut devenir un métier. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas de catégorie, et alors ça c'est un vrai problème. Il y a aujourd'hui encore, là je suis pile dans ces démarches là parce que j'ouvre une auto-entreprise par rapport à mon YouTube, enfin, tu vois, il était temps, et c'est incroyable à quel point j'ai eu du mal à trouver dans quelle catégorie me mettre, parce que vu que tu fais 36 métiers à la fois, t'es à la fois monteur, t'es à la fois cadreur, t'es à la fois comédien, t'es à la fois auteur, voix off, tu fais tout, tu vois, et du coup, il y a tellement de catégories différentes que tu es perdu, mais il n'y a aucune catégorie qui correspond à créateur de contenu internet, quoi. Ouais, c'est hyper tentaculaire. Enfin bref, en tout cas, n'importe qui peut déclarer ça comme son comme une activité, en tout cas qui lui rapporte de l'argent, ouais. Pas forcément, ouais. comme une activité principale, pardon, mais voilà, c'est un truc qui moi me muse un peu. Après attention, pour un gars qui va te dire ça et dont tu vas te rappeler, il y en a des dizaines qui vont aller te soutenir sans dire un mot sur les plateformes comme Utip ou Tipeee. Donc comme souvent, on se souvient que des trucs négatifs et on oublie d'ailleurs par la même occasion de remercier les gens qui nous soutiennent, mais il y a encore un gros travail à faire pour démontrer que, bah oui, même si c'est ta passion de parler de cinéma, d'histoire, de jeux vidéo, de comics, de je ne sais quoi, de porno même, eh ben, oui, le travail derrière, c'est de l'écriture, c'est du montage, c'est de la création, et c'est des heures de boulot, et ça mérite d'être, d'être récompensé et d'être soutenu, en tout cas, rien que pour financer le travail et le matériel derrière, quoi. Moi, c'est ce que je dis, l'argent que peuvent me ramener ce genre de plateforme, il me sert pas non plus à partir en vacances, tu vois, mais enfin, acheter une caméra, un enregistreur et un PC pour faire du montage, et quand vous allez voir la facture, vous allez vous rendre compte que c'est pas avec les 1 euro les 1000 vues sur YouTube que vous allez payer tout ce matos là, quoi. Mais c'est surtout que justement ce mythe du 1 euro les 1000 vues qui est hyper présent et hyper entretenu sur, je pense, ce que disait Punky, la catégorie des anciens entre guillemets, qui du coup sont pas du tout dans cette mouvance de soutien et de process digit, voilà, etc. Eux, ils sont vraiment dans ce de process digit. On dirait une pub pour la Mega Drive. il manque les 8-bits. Mais c'est dans vraiment le truc, le pour eux, il y a vraiment cet aspect-là de « Ouais, non, mais de toute façon, voilà, t'as mis de la pub, regarde, tu fais 10 000 vues, t'as pris 100 balles. » Alors que, enfin, voilà, ça a été débunké et démontré maintes et maintes fois que non. Déjà, à la base, non. Et encore plus, si tu fais les choses proprement, c'est encore plus non, quoi. Donc, il y a un vrai... alors, je crois aussi que c'est un peu franco-français comme problème. De l'argent est très tabou. Et, la réussite, ouais. Ouais, et la réussite et tout ça, c'est compliqué. Donc, du coup, la monétisation de ta prestation, c'est pas du tout... Le YouTube et le contenu que tu vas proposer n'est pas du tout pris comme ça. En tout cas, par cette génération d'utilisateurs-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que on est de plus en plus dans un YouTube où tout le monde qui arrive sur la plateforme peut trouver un moyen de se rémunérer. On est dans une période vraiment, vraiment pleine d'opportunités, pour être gentil, par rapport aux marques, etc., machin. Mais le truc, c'est que ça va pas durer. Là, on est vraiment sur un âge d'or de YouTube, où vraiment, sur YouTube, c'est facile de faire de l'argent. En vrai, c'est facile. Il suffit de prendre la première OPSP qui vient, d'avoir une chaîne un peu un 10 000, un 20 000 abonnés, et avec du contenu facile à bouffer, c'est très très facile de faire 20 000 abonnés. Hein. Et je parle pas forcément de contenu intelligent. Hein. Là, j'ai pas et dit que le contenu était bon. Hein. J'ai juste dit que le contenu, il faisait des vues, tu vois. Et avec ça... Parce que là, t'as dit c'est facile de faire 20 000, on a tous ces poliments, en fait. Non. Moi, personnellement, ça va. Mais... Non, en vrai, c'est facile de faire 20 000 vues avec de la merde sur YouTube. C'est-à-dire que vous essayez de faire un truc bien, mais une vidéo pas bien, enfin en tout cas selon nos critères, une vidéo un peu con-con, un peu débile, qui va faire 20 000 vues sur YouTube, qui va toucher surtout le public 14-20, quoi, 14-20 ans, quoi, les ados, c'est ultra facile, quoi. Enfin, vidéo calibrée, quoi. Ouais, il y a des vidéos calibrées, il y a des miniatures calibrées, il suffit de regarder ce qu'ils... Tu prends la page des tendances, tu fais la même le lendemain, et il y a une possibilité que t'y sois, tu vois. C'est presque un loto à ce niveau-là. Et le truc, c'est que cette période-là, ça, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans quelques années, ce sera fini. Parce que là, les youtubeurs, ils se gavent avec les placements produits dont on a parlé, qui leur apportent beaucoup d'argent. Parce que moi, je les ai reçus, hein, les propositions NordVPN et Red Shadow Legends, et je sais combien ça paye. Donc les mecs se gavent, et en même temps c'est compréhensible, c'est facile, hein, il suffit de dire le nom d'un produit, d'expliquer à quoi il sert, et puis basta, tu vois. Enfin, D'ailleurs on l'a dit quelques fois, nous, est-ce qu'on peut avoir 4 balles pour ce soir, ce serait... Hein, pas. Non, nous envoyer le petit chèque, merci. Mais bon, en plus leur critère de sélection, c'est qu'ils ratissent large, et ils font de la spéculation, NordVPN et Red Shadow Legends, ils font de la spéculation, c'est-à-dire qu'ils vont voir des youtubeurs qui sont dans les 30-40 000, parce qu'ils savent qu'ils ont possiblement, dans les mois à venir, une vidéo qui va arriver et qui va péter les scores. Donc vraiment ils s'en sont à ce point là sauf que ça va s'écrouler parce que déjà une chose les partenariats qu'ils font sont pas limités dans le temps. Donc tu fais un placement, par exemple à la télé, quand tu payes un espace publicitaire à la télévision, tu payes pour un planning de diffusion, si tu veux. Ta publicité, elle est diffusée dans telle tranche horaire, tel jour et pendant tant de temps. Là, et le prix varie selon l'émission. Voilà, et ce exactement. Que tu choisis. Là, c'est quand même un contrat unique à base de... Parle de ça dans ta vidéo, et la vidéo, elle est là 10 ans, elle est là 100 ans, la pub pour la marque est toujours à l'intérieur. C'est-à-dire que NordVPN, ils se payent des pubs à vie pour rien. En fait, eux, ça leur coûte rien par rapport à l'investissement que c'est sur le long terme. La pub de NordVPN, dans 10 ans, tu la vois toujours, et NordVPN, dans 10 ans, c'est toujours les leaders du marché. Donc ça, déjà, c'est un système qui va les foutre dans une espèce de boucle où à un moment, quand NordVPN aura fini de payer tous les YouTubers, bah, ils n'auront plus un sou à débourser pour avoir de la pub, vu qu'ils auront de la pub sur tout YouTube, ils auront étendu un filet de pub, et ils vont couper les vannes, et bah, là, les YouTubers, ils vont se retrouver en galère. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas prévu un crédit pour une maison, ou des trucs comme ça. Hein. Tu dis c'est l'âge d'or de YouTube, moi j'ai l'impression que le truc est déjà passé, et que justement, on a que la création, c'est fini en fait. Les choses qui sortent un peu du lot, c'est terminé, que si on veut se lancer aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de place pour exister, sauf si on joue avec les fameux codes du bot pour faire plaisir au référencement et tout. Mais quand tu veux faire de la créa et sortir un peu des sentiers battus, là, on a des exemples avec la dernière vidéo de Chris et avec ce qu'est en train de produire Valentin, par exemple, où tu n'as pas d'espace dès que tu veux faire quelque chose qui soit... même pas subversif, quoi, mais qui soit juste pas lisse. D'ailleurs, si tu veux qu'on parle de ma dernière vidéo, on parlait de la monétisation et... anecdote assez drôle, donc comme ça parle des bibles de Tijuana qui sont des BD pornographiques, YouTube a considéré que on ne pouvait pas monétiser cette vidéo. Et donc ça passe non pas en démonétisé mais en monétisation restreinte, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Exactement, le petit logo est jaune. Et c'est un petit doigt qui est debout comme ça. Bah, c'est monétisation, mais c'est YouTube qui prend l'argent. Voilà, et donc en fait si tu regardes le détail, eh bien sur les quasiment 5000 vues actuellement, j'ai dû gagner je crois 50 centimes grâce à cette vidéo qui a fait 5000 vues, 50 centimes qui viennent des abonnés YouTube Red qui eux ne sont pas concernés par cette monétisation restreinte, mais en fait il n'y a eu aucune vue, parce que tu peux avoir le détail, il y a bien eu zéro vue monétisée, c'est-à-dire que sur les 5000 personnes qui ont regardé, personne n'a eu une publicité, ou en tout cas l'argent de ces publicités ne m'est pas revenu. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour vous donner à quel point c'est un système hyper fragile, parce que vivre de ça, c'est-à-dire que si ta vidéo déplaît à YouTube pour un motif X ou Y, parce que là on parle de cul donc forcément, mais si tu parles de coronavirus, tu parles de guerre, de politique, si t'as le malheur de mettre un gros mot ou un mot un peu tendancieux ou un peu limite dans le titre ou dans la description, YouTube peut juste te dire bah non, aujourd'hui mon gars on va pas te payer, et donc tu peux avoir bossé 30 heures, 40 heures, 100 heures, tout ce que tu voudras sur une vidéo que YouTube jamais gagné d'argent dessus, quoi. Très rapidement, c'est pour ça que ma vidéo sur les jeux porno sur PS2, je l'ai mis sur mon Tipeee et c'est une contrepartie de mon Tipeee. Et je vais réitérer l'expérience. Au début, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, une vidéo payante, quoi. Oui, sauf que la vidéo, de toute manière, si je la mets sur YouTube, elle me rapporte rien et c'est de ma poche. Et je peux pas mettre une vidéo de ma poche, c'est pas possible, sinon je paye pas mon loyer. Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit si la vidéo je veux qu'elle soit rentable, et malheureusement elle était déjà écrite quand je me suis aperçu que ça passerait pas du tout, j'ai dit il faut que je la mette sur Tipeee. Donc voilà, si tu fais une contrepartie, enfin si tu fais un don à hauteur de 10€, t'as en contrepartie une vidéo qui peut pas être mise sur YouTube, et je vais refaire l'expérience l'année prochaine, je vais refaire la même chose, et d'ailleurs elle sera dans le même pack que la première vidéo, donc tous les gens qui auront acheté la preuve, enfin pas acheté parce que je la vends pas, mais tous les gens qui auront pris à hauteur de 10€ depuis le début de mon Tipeee auront la deuxième vidéo qui sortira aussi gratuitement, et qui sera une autre vidéo sur des jeux coquins, etc., que je peux pas mettre sur YouTube. Et du coup, comment tu les héberges, ces vidéos qui sont interdites de YouTube? Je les mets... Écoute Val. Ouais, j'écoute attentivement. Alors, elle est sur Dailymotion. Voilà, comme toi, voilà, en fait, sur Dailymotion. Ouais, écoute, mais sauf aujourd'hui, que... j'ai appris que même Dailymotion a ses limites, tu vois. Et que non, sérieux. Parce que Valentin s'est fait striker par Dailymotion. Wouh, wow. L'exploit, l'artiste, ouais. Bravo content. Valentin. J'étais T'avais content. Même pas que ça pouvait arriver. Et si, ça arrive pour les mêmes raisons que pour YouTube. Je vais être très très rapide, mais c'est pour Ocus, donc la série de détournement que je fais. Le premier épisode est passé, j'ai uploadé pour tester les épisodes 2, 3, 4, 5, 6. Et les épisodes 2 et 3 ont été été striké de Dailymotion, donc sans doute à cause des extraits utilisés dedans. Et les épisodes, sans par doute. Contre, 4, 5, 6, voilà, sans doute, hein, je pense. Par contre, les 4, 5, 6 sont passés nickel. Je sais pas pourquoi, ils m'ont même pas dit, contrairement à YouTube, ils m'ont pas dit quels extraits étaient mis en cause. Donc voilà, même Dailymotion fait son... On part sur un sujet un peu différent, mais je te conseillerais éventuellement de tester Vimeo. Mon frère a uploadé son film sur Vimeo. Alors là, ça devient d'office une offre payante pour le vidéaste et pour les gens qui le suivent et qui doivent donc payer pour voir les épisodes. Mais dans les conditions d'utilisation, c'est la même chose que sur Dailymotion ou YouTube. Ils disent qu'il faut que tu aies tous les droits de tout ce que tu diffuses, des images et tout. Donc c'est un risque que ça foire. Tu vas être obligé de faire comme Mosinor. À ses débuts, c'est-à-dire d'avoir ton propre site avec ton propre player et tu mets ça sur FTP et puis personne viendra t'emmerder. Et oui, absolument, c'est peut-être la solution que je vais retenir au final avec l'aide de personnes formidables. Bonsoir. Peut-être présents ici. Non, mais c'est là que tu te dis que 2020 a pas fini de nous surprendre, quoi. Striké par Dailymotion, c'est quand même. Dailymotion en 2020, déjà. Alors, Matt, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au contenu, juste, tant que je l'ai encore en tête, tu me parlais du fait que le entre guillemets, le contenu travaillé, recherché et tout avait plus la cote sur YouTube et que c'était fini. Je dis que si tu sors des sentiers battus, tu peux plus exister en fait. Et c'est vrai pour le YouTube français, mais faut pas oublier que le YouTube français a au moins 4 ans de retard sur le YouTube US, et au YouTube US les contenus comme ça de soit de vulgarisation de ou soit de même pop culture très niche et tout, ont repris de la cote et font quasi autant de vues que du contenu, enfin quasi, peut-être un peu moins, toujours un peu moins, mais ça reste, en termes de visibilité, ça peuple autant les tendances que du contenu un peu plus simple, un peu moins travaillé. Parce que la forme a changé ou il y a un truc de nouveau ou c'est juste un effet de mode qui revient et qui... Alors déjà les Américains ont toujours eu les vidéos un peu plus travaillées dans leur ADN, mais on l'a aussi en France, hein. Je veux dire le JDG c'est une des plus grosses chaînes de France et c'est du contenu travaillé, donc même Axolot, le Fossoyeur qui va bientôt faire ses 1 million aussi d'abonnés, je pense, dans pas longtemps. Donc, ça existe en France. Je pense qu'on va mettre un peu de temps, c'est tout. Mais regarde, j'arrive à faire un peu de vues aussi et, avec du contenu très très niche. Donc je pense que c'est faisable. Je pense qu'on a en fait les créateurs justement de contenu travaillé et un peu pop culture, un peu niche, un peu qui vont chercher, en tout cas qui sont pas des trucs qui intéresseraient forcément le Kidam sur une page d'accueil. Ils ont pas encore la méthode, je pense, pour vendre les choses dont ils veulent parler à un public mainstream. Je pense qu'il leur manque la méthode pour et moi c'est là-dessus que je travaille, c'est comment attirer Jean FIFA à venir regarder une vidéo qui va parler de FPS sur DS, tu vois. Et donc il faut trouver les liens en fait, les différents nœuds que tu vas pouvoir escalader pour arriver jusqu'à lui et justement partir de ton point de départ, quoi. Toi, t'as eu un petit basculement avec la vidéo de Call of Duty, je pense, où en fait c'est tous ces joueurs-là qui ont vu cette vidéo-là et qui ont après sont restés pour voir la suite de ton contenu qui était pas forcément. Alors, moi, ce truc-là, je le tente depuis que je fais Need for Speed sur GBA. Tout mon nouveau format, en fait, il est tourné vers ça, en fait. Tout mon nouveau format, j'ai dit bon, les top 6, ça marche pas. J'étais là avant la mode des tops, j'étais là après la mode des tops et pourtant ça a jamais marché, tu vois. Donc du coup j'ai dit faut que je trouve quelque chose vraiment pour que vraiment la personne lambda ait envie que je lui parle de ça. Et ouais, parce que c'est pas top là sinon. C'est ça. Et en fait oh, joli. Tu l'as parce pas fait que... Val. Oui, non, mais parce que c'est... j'y ai pas pensé. Parce qu'il écoute. J'écoute attentivement ce que me dit le monsieur. Et ouais, en fait et en fait c'est une méthode d'écriture aussi. C'est une méthode d'écriture à... Moi j'écris plus du tout pareil aujourd'hui que quand j'écrivais pour mes top 6 ou quand j'ai une écriture différente. Tu vas beaucoup plus essayer d'inclure une espèce de narration dans ce que tu racontes, du storytelling, tu vois, un peu Tu vas essayer de mettre du perso. Moi, il y a un truc que j'essaie de faire aussi qui marche bien, c'est de mettre du concret, parce que faire des vidéos sur des comics où tu prends des scans de comics qui piquent les yeux parce que les couleurs, elles sont ultra criardes, alors que tu pourrais juste filmer ta putain de collection de comics, suivez mon regard et faire des très belles images et des trucs, montrer du concret, si tu veux. Moi, ce que je trouve qui manque, par exemple, dans les gens qui font beaucoup de vidéos actuellement qui sont très intéressantes, c'est beaucoup de réel, de factuel, de filmer ses comics, filmer les pages qui tournent, tu vois, le toucher, que la personne qui regarde, qu'elle se dise pas, il a été téléchargé des JPEG. Il a piqué des trucs. Voilà, ouais. qu'ils se disent, waouh, il nous parle de ses comics, tu vois. Et moi, je parle de mes jeux vidéo, alors que le jeu vidéo, je l'ai commandé sur eBay 2 jours avant. Donc, c'est... Ouais, mais par exemple, tu le fais avec des vrais jeux vidéo, t'es avec des vraies consoles, t'es pas du tout sur de l'émulation quand tu fais des vidéos. Bien sûr que si, mes captures, je les fais en émulation. Ouais, mais je les teste sur les vraies consoles, mais le jeu vidéo, c'est particulier, tu vois. Je les teste sur les vraies consoles pour vérifier certaines choses, les temps de chargement, notamment les trucs comme ça. Mais quand je fais mes captures, je suis sous émulation. Tu pourrais filmer ton écran. Player One, ils nous ont donné leur technique pour faire leur capture d'écran dans les années 90, oui, sûr, avant le les noir trucs, et tout. Putain, où tu te mets dans le noir et tu photographies ta télé, ouais, c'est l'enfer, quoi. Moi, je faisais ça quand je faisais mes scores pour les envoyer justement à Console Plus, à ces trucs-là et tout. 20 Polaroid par Solus. Mais ouais, en bref, je trouve que ça, le YouTube qui fait de la vidéo contenu, on va dire, travaillé et qui veut raconter des choses, a un peu de problème dans sa méthode et dans sa forme, un peu de retard sur ce qui se fait aux États-Unis. Et je trouve qu'aux États-Unis, tu vois un Scott DeWose, tu vois des mecs comme Stop Skeletons from Fighting, ils ont tout compris au game, en fait. Ils ont tout compris au game, en fait. Ils ont compris que maintenant, enfin, moi, c'est ce que je me dis aussi, hein, tu vois. Maintenant, je me dis, bah, mec, Game One, c'est toi, tu vois. C'est toi qui fais Game One aujourd'hui, tu vois. Les gens, ils vont plus regarder Game One, ils vont sur YouTube, donc Game One, c'est toi. Donc, si tu veux un truc qui te faisait hurler comme tu hurlais devant la télé quand t'étais gosse, c'est, bah, montre le jeu et donne envie de jouer, tu vois, montre du réel, raconte des histoires, raconte des backstage, des choses que les gens s'attendaient pas à entendre, de l'insolite, ne serait-ce que montrer des jeux que les gens connaissent pas, des fois, ça suffit à éveiller la curiosité, tu vois. Donc, je pense que... ouais, il faut prendre un angle qui est plus accessible. Je saurais pas le dire autrement. Il faut que ça reste accessible et que la porte d'entrée elle soit grande ouverte. Tu vois, Call of Duty c'est une très grande porte d'entrée pour parler d'un truc qui est un peu obscur, qui est des FPS sur Wii ou des FPS sur DS. Mais c'est une porte d'entrée qui est gigantesque. Et ça c'est l'entonnoir, quoi. Tu vois, tu fais la technique de l'entonnoir. Tu vises large et après tu vois ça. Ça restreint au niveau des gens qui vont vraiment être intéressés, etc. Mais c'est ce qu'on disait, pourquoi est-ce qu'il faut soutenir et payer les mecs qui ont fait une petite vidéo sur YouTube? Bah, en fait, simplement parce que pour que la vidéo elle existe et qu'elle soit quali, il faut que tu aies fait des recherches, il faut que tu aies fait tes images, il faut que tu aies compris comment fonctionne le bot, il faut que tu te sois fiché sur ta miniature, il faut que tu aies un peu pisé toutes ces astuces-là. Et il n'y a pas de YouTube pour les nuls. Si tu comprends un peu la méthode, c'est parce que tu t'es fait chier à décortiquer le système et à essayer de comprendre... ce qui marchait, ce qui marchait pas, de serrer les rouages à droite à gauche. Et parfois ça tient à rien. C'est ça qui est con, c'est que parfois vraiment ça tient à rien. C'est un petit détail dans la présentation, c'est le titre, c'est la miniature. Parfois c'est juste tout bête, mais c'est ta façon de monter, tu vois, ta voix off et tout, ta façon d'interpréter ton test qui est juste un peu à côté, et puis en fait tu te rends compte que si je le joue plus comme ça, ça fait plus naturel, ça fait, les gens ils vont plus le ressentir. Et il y a vraiment, dans les comics ça passe, il y a des mecs qui font carrière sans savoir articuler ou en faisant des fautes de français. Chez nous ça passe tranquille. Bah tu vois, c'est ça le problème aussi. Ça balance ce soir, c'est ça le problème. Mais je vis le même problème dans le jeu vidéo, hein. Je suis le premier à cracher sur les collègues en me disant quand même, se tromper de jaquette pour un truc comme ça, ça fout la haine, tu vois. Mais ça fait deux fois que tu me lances sur ce clash. Ça fait deux fois. Ah bon, deux fois? Pourquoi? Bah oui, tu parles des mecs qui pourraient faire leurs propres images et qui prennent des images qui correspondent pas et tout. De filmer sa collection de comics, je parlais de Chris. Chris, je comprends pas, il a une collection de comics, il a un bel appareil photo et le mec il met des JPEG ultra criards avec les couleurs qui bavent. Alors parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Dans ma vidéo sur Captain America, j'ai parlé d'un truc tellement introuvable que j'ai été obligé de le scanner moi-même. Mais scanne pas, c'est très très chiant. Prends ton appareil photo, fais des jolis plans. Mais alors en fait, le secret de Chris, c'est que il a un Panari et donc il peut pas filmer parce qu'on va voir ses doigts qui sont dégueulasses. Et donc il est obligé de faire des scans. Mon Dieu. Mais en vrai, non, mais en vrai, je préfère largement voir des, même si c'est le même zoom, hein, à la même vitesse, hein, mais je préférais le voir sur des pages de papier que j'ai l'impression de pouvoir presque toucher, que de le voir sur un scan qui est un petit peu froid et un peu inhumain, quoi, qui a pas d'histoire. Écoute, tu veux que je te révèle un truc? Mm-hmm. Je n'avais jamais pensé à cette option. Ben, voilà, je suis. Oh. Mais parce que aussi, on est. Tu vois, on est un peu standardisé. Mmh. Enfin, YouTube a des recettes. Il faut changer de méthode. Et ouais, et bah tu vois, écoute, je ferai des tests. Je ne dis pas que je le ferai dans une vidéo parce que peut-être que je suis trop mauvais pour faire c'est ça. C'est le mais moment je où tout a basculé. Maintenant, ouais, vous verrez les vidéos de Chris. On... Non, mais alors, je veux la moitié de tes 50 centimes. Pour cette idée. On peut le dire. On peut le dire. Moi, avec mon frère, on a rencontré Punky en 2011. Et je crois que cette rencontre est filmée puisque c'était un Paris manga. Oui. Et donc, on le croise. On le croise et le gars nous reconnaît. Et nous, on faisait Arrêtons Gigatia. À l'époque, on devait avoir genre 1000 abonnés sur YouTube. Tu vois, c'était complètement la merde. C'est toujours de la merde d'ailleurs. Même après c'est trop bien. Moi, c'est quoi? J'en ai rematé des vieux en stream la dernière fois sur mon stream. On matait des vieilles vidéos YouTube. On a regardé les Why Not, les trucs, des vieux trucs de PSV. On a maté des Arrêtons Gigatia. Quelle horreur. Les pauvres gens. Et donc le gars nous reconnaît. Et donc de là on discute un peu. C'est comme ça qu'on a fini dans PSB. Et Punky avec Matt ici présent. Je vais sucer tout le monde ce soir. Hein, accrochez-vous. Chouette. Enfin. C'est ma fuite, hein. Enfin. Comme je dis souvent, Matt et Punky font partie de mes références dans le sens où ils ont effectivement une éthique, comme le disait Punky. Et bah c'est d'ailleurs pour ça que qu'ils n'ont pas le succès qu'ils méritent par rapport à la qualité du contenu qu'ils produisent. Valentin, mais viens, je te resserre un coup parce que nous visiblement on pue la merde, on est des hein, mais c'est pas grave, t'inquiète. Je vous ai rencontré après, mais dans les gens qui m'ont influencé dans mon évolution et dans mon travail et dans ce que j'ai pu créer au début de Comics Rise, Punky et Matt sont vraiment des gens. Enfin, et Punky en l'occurrence fait partie des toutes premières personnes qui a été pour moi une grosse référence en matière de vidéo où je me suis dit putain, en France, il y a des mecs qui font autre chose que des vlogs de 20 minutes où ils sont 20 minutes devant leur appareil photo et ils disent « Ah bah, la vidéo s'arrête parce que je sais pas faire de montage et que le fichier vidéo de mon appareil, il peut pas faire plus de 20 minutes. » Ça, c'est parce que... Mais c'est... ça, c'est uniquement c'était parce que... C'était une autre époque, hein, heureusement que ça existe plus aujourd'hui. Ça. Si quand tu m'as connu, je faisais pas de vlogs de 20 minutes, c'est... principalement parce que les vlogs de 20 minutes, je les avais fait en 2007 quand personne me regardait et que j'avais les mêmes problèmes de carte SD dans mon téléphone. Il n'empêche que t'avais déjà, t'avais suivi, je pense, une certaine évolution et t'avais pour moi une certaine avance par rapport au format standard de YouTube de l'époque et c'est encore valable aujourd'hui, je pense. T'es quelqu'un qui, comme tu le dis, tu t'intéresses beaucoup à ce qui se fait ailleurs aussi. Et voilà, t'es capable de prendre un peu les tournants et d'anticiper les tendances dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas de faire le prank à la mode, mais de voir quelles sont les recettes qui fonctionnent sur Internet et ce que les gens peuvent attendre. Est-ce qu'il est possible de créer? Enfin, si, mais tu fais genre... mais en vrai, si. Voilà, je te le dis. Non, mais je pense que si j'avais vraiment su gérer les tendances et les machins et trucs... je serais beaucoup plus loin ou en tout cas j'aurais plus beaucoup plus de succès auprès du mainstream. Je pense que c'est juste aussi une volonté de moi, j'ai pas envie d'être très très connu. J'aimerais que ça marche et que ça me paye, mais je voudrais pas être très connu, tu vois, parce que j'aime pas c'est un paradoxe compliqué. C'est pour ça que je fais plus de podcasts pour mon plaisir que tu vois, je monétiserai jamais le podcast parce que le podcast c'est justement un endroit où je peux être un peu anonymisé par la voix, etc. C'est pour ça que je mets des lunettes de soleil aussi, c'est parce que j'ai pas envie d'être reconnu dans la rue. C'est pas, moi j'aime bien mon intimité, mais c'est pas. Je pense que j'aurais pu être plus connu et plus si j'avais vraiment eu un talent pour dénicher, comme tu dis, les prochaines tendances. Je pense que non, c'est juste que ça fait 11 ans, 12 ans, là, même 13 ans que je galère. Donc au bout d'un moment, même un abruti, au bout de 13 ans, il commence à comprendre des trucs, tu vois. C'est juste, au bout de 13 ans, même le plus con des gars, il va au moins comprendre 2-3 trucs. Mais non, mais il y a aussi ce que t'as envie de faire. C'est-à-dire que t'as pu saisir les tendances et comprendre 2-3 fonctionnements de référencement et d'optimisation et ce genre de choses, sans pour autant vouloir les appliquer à 200% et vendre ton cul pour du clic. Ça, c'est l'éthique, quoi. Ça, pour le coup, je suis d'accord, pour l'éthique, c'est un truc qui me tient à cœur, mais c'est parce que dans le jeu vidéo, quand moi j'ai commencé dans la presse jeux vidéo, j'étais journaliste pour des sites et j'ai bossé pour un musée du jeu vidéo à Paris Et à l'époque où je suis rentré là-dedans, en fait, c'était un rêve de gosse pour moi depuis que je lisais les magazines et tout. Je pense comme tout le monde ici, on a lu des tests, j'avais des machins. On s'est dit, je veux devenir testeur de jeux vidéo. Sauf que moi, j'étais très con et je l'ai vraiment fait. Tu vois, j'ai arrêté l'école en troisième, j'ai été bosser pendant je sais pas combien de temps. Et après, j'ai dit, ah bah, je voudrais peut-être devenir testeur de jeux vidéo. Et je l'ai fait. Mais à l'époque où je suis rentré là-dedans, j'ai eu une grosse, grosse désillusion. Parce que mes idoles étaient tous corrompus, parce que mes idoles avaient tous fait des tests payés par l'éditeur, parce que... Et du coup, ça réveillait en moi une volonté de... Pas un stop, quoi. De mettre un stop à ça et de dire non, surtout pas, je veux pas être ça. Enfin, il y a une dissonance, une distanciation. Et du coup, depuis, je fais très attention, y compris dans YouTube, qui a aussi des problèmes de corruption, d'affiliation avec des marques très très présentes, etc. Et avoir de l'éthique dans un milieu comme YouTube, ça ne garantit pas forcément le succès, voire même l'inverse. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver quand même en gardant une éthique. Je citerai David Lafarge, car oui, tout est possible, qui a dit dans une interview... Non, mais en fait, j'ai trouvé que le gars était étonnamment... lucide. Étonnamment réaliste, où il disait il n'y a pas de mérite sur YouTube. Il disait que ce qu'il fait, c'est pas nécessairement... Enfin, lui-même va te dire que c'est pas nécessairement qualitatif ou travaillé, etc. Mais que c'est ce que les gens ont envie de voir. Et en fait, c'est comme à la télévision. À la télé, t'as des mecs qui traversent la moitié de la planète pour te faire un reportage de dingue sur une ethnie, tu sais, au fin fond de la forêt. Les mecs sont les derniers de leur culture et tout. Enfin, c'est hyper intéressant et ça peut t'ouvrir à des tas de pistes de réflexion. Et puis ces mecs-là, personne va regarder le documentaire qui passe à 3h du matin, on va leur filer une tranche de diffusion toute pourrie. Et puis à côté de ça, tu as Cyril Hanouna qui jette des œufs sur ses chroniqueurs par exemple. Enfin, voilà. Et là, tu vas faire le million, les 2 millions, les 3 millions de spectateurs, de téléspectateurs. Donc, oui, mais à côté, t'as la carte au trésor. Ça... Ouais, mais je suis désolé, on critique la Sylvain, télé. Oui, Sylvain, je vois l'apiculteur. C'est lui qui rigole a pas, rigole pas parce que la oh carte mon Dieu, au trésor. Sylvain, elle est tombée. C'est une des émissions qui coûte le. J'ai regardé les coulisses de la carte au trésor en stream. Donc, je t'explique, c'est une des émissions qui coûte le plus cher à faire en France. Bah, tu m'étonnes. On est que la France à savoir le faire, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le faire dans d'autres pays. Ils n'y arrivent pas à faire la carte au trésor. Ils n'arrivent putain, pas. Ils sont nuls. Allez, nuls. Et surtout. T'apprends des trucs, la carte au trésor, c'est beaucoup regardé, et t'apprends des trucs. Donc, pourquoi? Parce que c'est accessible, parce qu'ils ont trouvé l'entonnoir, tu vois. Ils ont visé large avec de l'aventure, et ils sont revenus à de la culture en entonnoir. Ils ont tout compris, et je pense qu'il faut, en fait, la télé, on critique beaucoup, mais les meilleurs trucs qu'on regardait à la télé, il faut s'en inspirer, parce que il y a des recettes, il y a des choses là-dedans, dont il faut s'inspirer, notamment, sur le service public. C'est pas sorcier, c'est un autre bon exemple. Tous les vulgarisateurs YouTube qui marche aujourd'hui te diront j'ai voulu faire C'est pas sorcier sur YouTube, tu vois. On est complètement d'accord qu'il n'y a pas que de mots trucs à la télé, mais d'un autre côté, par exemple, est-ce que, enfin, Marcus le dit parfois un peu en rigolant, mais s'il avait pu déposer, oui, parce le que concept... les mecs connaissent Marcus, hein, oui, tu vois bien, on discute avec Marcus, excuse-moi. Je crois que je le connaissais avant tout le monde, peut-être même avant avant sa daronne. En fait, c'est mon père. Ouais, voilà. Je connaissais avant ma grand-mère. Et il le dit souvent en rigolant, mais s'il avait pu déposer le concept de Level One à l'échelle planétaire, il serait multimilliardaire parce que le mec a juste inventé le streaming, en fait. Tu vois. Pas vraiment, parce qu'il avait pas d'interaction en direct avec les... Non, mais il a inventé fait de jouer en direct à un jeu, oui, tu vois, enfin, à la télé. Après, quoi. C'est un truc pas vrai. Qui n'existait pas, visiblement. Pas vrai, parce que j'ai des... Ah, attention. Alors, attention, parce que Marcus, je l'aime beaucoup, mais certes, il a inventé le concept en France, et il a inventé ce que nous, on a fait pendant des années après, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test vidéo, sauf que cette formule-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, un mec qui fait un test vidéo de 20 minutes sur un jeu, il fait 3 vues. Ça n'existe plus nulle part. Maintenant, il y a Twitch, et ça, par contre, il ne l'a pas inventé du tout, parce que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'on puisse interagir avec les gens. Alors, certes, il prenait des messages d'auditeurs, des fois, mais c'était des messages enregistrés. Mais si tu veux, l'interaction en temps réel, ça, personne l'a vu venir, et s'il voulait la breveter avant, il fallait qu'il soit ingénieur, quoi. Donc, putain, je tweet. Oh là là, en direct dans les Staminerd, Punky vient de clasher Marcus. Non, mais parce que par contre, Marcus, ce qui et Game One, ce qu'ils ont amené en France, c'est la culture du jeu vidéo. Marcus, Retro Game One, c'est une des premières émissions de rétro gaming grand public, tu vois, c'est même la première émission de rétro gaming grand public, et c'était il y a déjà 10 ou 12 ans de ça. Nous, on était encore dans les couilles de nos pères, tu vois. Vraiment, quand Marcus, il faisait des trucs sur la culture du jeu vidéo. Game One, c'est les premiers reportages sérieux sur les développeurs à la télé. Donc, non, c'est des pionniers, bien sûr. Mais bon, non, il aura. Enfin, je pense pas. Après, je pense qu'il le dit en rigolant. Il le pense complètement. Pas, c'est une blague. Il le dit en rigolant, mais je pense qu'en vérité. Ça serait venu même s'il avait pas fait Level 1. Et Game One, c'est aussi l'autre idole de Chris avec Didou. Comment ça s'appelle cette le Dawa. Mais ouais. Didou meilleure et, émission de tous les Didou temps. Et meilleure émission de tous les temps. On regarde le Dawa sur mes streams de temps en temps. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. J'ai vu que tu faisais des streams assez incroyables à base de vieilles émissions, etc. J'adore. Et je trouve ça génial. Ah ouais, on regarde la carte au trésor, on regarde le Big Deal et tout, on se fait plaisir. On regarde le maillon faible. Ouais. Très fan. Putain, tu prends des types avec ça, c'est formidable quoi. Ah mais moi j'adore ces la télé des années, je regarde plus la télé depuis 10 ans, mais quand je suis en manque, je me mets de la télé des années 90 et je me dis bah j'ai bien fait. Du coup, c'est pour ça que t'as une peluche de Bill du Big Deal avec toi ? Ouais, toujours, il est là, il m'accompagne, c'est Bill, c'est lui. Et histoire de faire notre transition dans la télé, puisqu'après on va parler un peu de rétro gaming, il y avait un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut encore jouer d'une certaine façon à Hugo Délire ? Est-ce que t'as une astuce pour pouvoir faire un truc ? Tu veux dire le Hugo Délire qui passe à la télé ? Qui passait à la télé attends, avec moi, les rails et tout. Je veux faire un niveau du wagonnet, quoi. Le wagonnet, ouais. Il y a une version PC qui est sortie et qui est disponible sur abandonware.org sous DOS. Tu peux la faire tourner sur un PC de maintenant. Abandonware.org, c'est gratuit, c'est légal en plus. Vraiment, t'es chiant parce que on te dit une connerie et t'as une vraie réponse. Quoi. Ah, pardon. Il y a pas une version PlayStation aussi. Le jeu est pas sorti sur. Il y a pas une version Hugo Délire sur Alors, PlayStation. C'était des jeux Hugo. En fait, je vais faire une vidéo sur les jeux Hugo, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. No spoiler alors. Voilà, mais en gros, Hugo à la base, c'est un truc, c'est hongrois ou danois, je sais plus. Je crois que c'est danois. Ou peut-être finlandais, un truc comme ça. Et en gros, tu vérifieras tes sources avant de donner des leçons aux gens. C'est une masse. je peux fact-checker si vous voulez. Ah voilà. Ah, fact-check comme ça. Et en gros, c'est une licence que nous on a connue grâce à Hugo Délire, mais qui était une licence qui était préexistante. Voilà, c'est des BD, des dessins animés et tout. Et donc, il y a eu plein de jeux qui n'étaient pas forcément danois. Merci. Et du coup, il y a eu plein de jeux, mais c'était pas forcément lié à l'émission de Karen Cheryl. C'était plutôt lié à la mascotte de base. Et donc les jeux sortaient en Europe, du coup. J'aurais encore appris un truc dans cette émission ce soir, mais entre la crypto-monnaie et Hugo Délire, mais putain, mais je me couche moins con grâce à l'Estamineur, mais incroyable. Je fais une petite parenthèse sur les Danois qui sont très bons. Non, on s'en fout des Danois. dans les films aussi, parce que j'ai déjà parlé de The Guilty. Je veux dire Marmaduke. Il y a un ciné mini sur le sujet, mais j'ai vu là il y a quelques jours Exit, un film donc danois d'angoisse qui est mortel. Si je sais pas quand va être diffusé l'épisode, mais en tout cas il sera peut-être encore dans vos salles de cinéma près de chez vous. Foncez le voir, c'est super efficace et super réaliste et crédible de ouf, ce qui en fait son efficacité. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, petite parenthèse ciné. Non mais garde la parole Valentin, puisque ça fait une heure qu'on est là, donc c'est peut-être le moment de faire le quiz pas préparé de Valentin. Absolument. Du coup on va pouvoir pour faire un peu la charnière entre nos deux parties. Tu nous proposes un quiz sur quoi ce soir ? Alors, du coup, comme je me suis dit, tiens, je vais pas avoir le temps de préparer un quiz, mais ce serait dommage de pas en faire, je vous propose le retour. Du Kazoo Quiz! Du Kazoo Quiz, absolument, parce que ce serait dommage de s'en priver. J'étais pas prêt, hein. Oh la vache. Non, mais même moi, je ne suis pas prêt. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer absolument pas du tout. du coup, moi, j'ai décidé de rester dans le thème. Là, la liste, je l'ai faite au début de l'émission pendant que vous parliez. S'il y avait des bruits de clavier, ça venait de chez moi. Je vais vous faire un petit. Je vais faire honneur à l'invité en faisant un petit blind test de musique de jeux vidéo, si ça vous dit. Oh, alors, juste, me chauffe pas, je suis ultra fort. Hein. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. C'est pas préparé. Tu savais vraiment pas que j'allais te demander un quiz quand je l'ai dit il y a une heure. Non, mais comme j'avais déjà l'idée il y a plusieurs jours de faire un quiz, je l'avais en tête. En fait, c'est juste que comme personne m'a rien demandé, je me suis dit, oh, au pire, je le fais pas. Mais. Et alors, comme on est une belle bande de connards, sache que j'ai préparé moi un quiz pour qu'ils disent, oh non, oh, zut, je suis pas prêt. Et du coup, j'ai un quiz de remplacement au cas où ça merde. On est prêt à tout. Ah, on est trop fort. Le problème, c'est qu'avec moi, le quiz jeu vidéo, ça risque d'aller vite, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Donc, je. Oui, absolument, c'est ce que je me suis dit. Mon quiz, il allait vite aussi, c'était le Punky Quiz. Toutes les réponses, c'est Punky. Vas-y, moi, je veux bien entendre. On fait les deux, ouais, si vous voulez. Ouais, on fait le casou d'abord, je suis chaud. Ok, bon, bah chaud alors. Donc, un musique de jeu vidéo, bon, bah, au premier qui répond, mais ouais, on se doute bien que. Ça va vite. Qu'il y en a un qui est avantagé ici ce soir. Ok, c'est parti. Sonic, c'est Sonic. Non, c'est pas Sonic. Ah merde. Un indice s'affiche en bas de votre écran. Tetris. Ouais, Tetris. bravo. Attends, faut que je compte les points aussi. Putain si je je vais poutrer Punky. Ok. Attendez, faut que je me rappelle de l'air de service. Attendez. Skyrim. The Elder Scrolls. Exactement, Skyrim, absolument. Bien joué, hop, c'est Punky qui marque le point. Hop, et on va enchaîner. Avec je laisse gagner. Mario. C'est Mario. Merde, ça souffle Mario. Vous avez répondu tous en même temps. Je ne sais pas qui a répondu en premier. C'est moi. Super ouais. Mario Bros, le nom du jeu exact. Voilà, allez, niquez-vous. Ok, absolument. Oui, voilà, c'est vrai. Il a donné le bon titre. Ok, on enchaîne. Sonic. Ouais, absolument. Au bout de trois notes, quoi. Bravo. C'est le Green Hill. Absolument. Tu connais pas les niveaux à Sonic ou quoi? Non, je connais pas bien. Moi, je connais le film Sonic avec Bentala. Sans Bentala. Ah, moi, je l'ai vu sans Bentala. C'était bien. Sans Bentala. Moi, je l'ai vu sans Bentala aussi. On en parlait dans le premier épisode, je crois. C'est une super version, le Bentales. Ok, c'est parti. C'est pas raciste, hein. C'est juste qu'il est pas bon, quoi. C'est tout. Super Smash Bros. Ah non, c'est The Legend of Zelda. Ouais, mais lequel? Wind Waker. Non, c'est faux. 3. Zelda 3. The Legend of Zelda Twilight Princess. Oui, absolument. Merci. Alors non, je m'inscris en faux et je tiens à dire qu'on a fait la liste des Zelda auxquels j'ai joué il y a 3 épisodes donc Valentin savait que je n'ai jamais joué à ce jeu. Non, donc, c'est pute. J'ai un point de handicap, comment ça marche? Qu'est-ce que... Non mais j'écoute pas ce qu'on dit dans cette émission donc j'avais complètement oublié en fait. Mais oui, c'est le premier air qui m'est venu de Zelda. En dehors de la musique principale, tu vois. Oh, tu le fais sans casou, toi. Attends. T'es trop fort. Vous pouvez nous accompagner chez vous. Oh putain, j'ai mon automaton si vous voulez, je peux le chercher. Bonsoir, excellent. Parfait, vous avez lancé Matt. Bravo, vous êtes j'arrive content. Ah, ça y est, l'homme orchestre, quoi, c'est bon. Allez, ça y est, ça part. Alors, l'automaton, j'y ai eu droit quand j'ai eu la chance, si je puis dire, hein, d'être invité à son anniversaire. Merde. Vraiment, il sait en jouer, non, il sait pas. Pourquoi tu crois que je suis pas venu, hein? Ah ben voilà, hein, parce que c'était vraiment au réveil, le matin, juste avant d'aller au FCBD, petit air d'automaton, vraiment. Ça vaut le coup. Franchement, un de mes meilleurs réveils. Je veux dire, tu m'étonnes. C'est l'instrument du diable, ça. C'est vraiment. Et là, tout ce qu'on dit maintenant, il ne le découvrira que lors du montage de l'épisode. Absolument. Exactement. Matt, tu pues. Voilà. Bonjour. Ça, c'était un timing de ouf. Hey. Eh ben, vous savez, donc l'automaton, c'est une sorte d'instrument que vous pouvez chercher sur internet. Ça ressemble à une. C'est un truc électronique et il a la forme d'une petite note de musique. Et ça a un son de merde, hein. Et c'est injouable. Vous avez au clair de la lune ou pas? Frère Jacques, ah merde. Et voilà. Et du coup, tu t'es censé pouvoir faire le faire ouvrir la bouche pour changer les sons, mais ça marche pas trop. Ouais, on est d'accord. J'ai testé aussi, c'est pas ouf. Mais t'en as de plusieurs tailles. Je crois que le grand est plus mais y a, fonctionnel. On est d'accord là. Actuellement, t'es sur la fin des piles. Et non, c'est le son naturel de l'instrument. J'ai trouvé ce truc là sur internet et en fait je me suis cherché, vous pouvez le trouver sur YouTube, je me suis fait hyper par une cover de Careless Whisper à l'automaton. Et je trouvais ça tout à fait formidable, je me suis dit putain il me faut ce truc là. Et en fait, étant donné que le manche n'est pas gradué, tu peux pas savoir sur quelle note tu es. Et pourtant ça pourrait être gradué puisque la musique c'est un langage universel quoi. Et du coup bah en fait c'est injouable. Donc bah écoute, c'est 30 balles bien investies, hein. Mon fils a joué avec un prochain épisode on parle des objets de merde qu'on a achetés sur internet puisque visiblement tu as quelques trucs à nous raconter. Ah oui, en ce moment c'est la foire à la merde là, ouais. La foire à la merde. L'épisode spécial Wish. Du coup, j'ai gagné le quiz. Il me reste deux morceaux si vous voulez. Et puis après. Belle tentative, je vous donnerai. C'était bien. Nous, on veut bien après la musique de jeux vidéo. Je sais pas si elle est d'accord. Non, je pense qu'elle n'est pas d'accord, effectivement. Ok. Donc, avant-dernier morceau, faut que je me souvienne. Allez, c'est ça. Video Games Live. Allô. Oui, c'est ça. Bravo. Je l'ai joué un peu trop aigu. Ah ouais, ouais, putain, exact. C'était Allô. Bien joué, bien joué. Et le dernier, alors lequel je vais faire, faut que je prenne. Fais Gears of War. Ah oui, c'est ça. je ne connais pas. Eh, tu peux faire un truc de Super NES que je puisse avoir un point ou. Non, désolé, ce sera pas du Super NES. Attention. Luigi's Mansion. Ah putain. Ah non. Venez, on se casse et on laisse jouer. Kazooie. Je bravo, déteste absolument ce jeu. Oh là là, on va pas être copains. Pourquoi t'aimes pas Banjo et Kazooie? Ah, il faudra écouter le podcast de la case rétro sur Banjo et Kazooie si vous voulez savoir. Ah bah volontiers, ouais, volontiers, parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer ce jeu. Je l'ai en gros. Michel, on ne peut pas aimer ce jeu. C'est quoi le podcast de la case rétro, Punky? Un podcast qui parle de jeux vidéo anciens qui ont plus de 10 ans. Et c'est un podcast, j'ai envie de dire, presque aujourd'hui, qui fait partie du décor podcastique français, parce qu'il est là depuis longtemps. Moi, je ne suis pas là depuis le début, mais eux, ils sont là depuis plus de 10 ans, maintenant, je crois. Ou au moins bientôt 10 ans, il me semble. Bientôt 10 ans. Et donc, allez y jeter une oreille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à écouter. Ouais, c'est des épisodes très longs, très riches, très documentés. Et t'as même eu ton petit épisode sur Sonic. Ouais, j'ai le premier Sonic qu'ils font en presque 10 ans, là. Ça fait quoi, 4 saisons que je suis là. Et on a attendu 4 saisons pour faire un Sonic. Et enfin, on a fait un Sonic. Et la case rétro, du coup, case, c'est C-A-Z, pas C-A-S-E. Tout à la fait. La case rétro. Tout à voilà. Fait. Du coup, c'est chiant à trouver. Impeccable, je viens de comptabiliser les points du coup. Gros suspense, vous ne devinerez jamais, mais c'est l'amitié qui a gagné ce soir et ça c'est formidable. L'esprit shonen toujours. Tout augmente sauf l'amour. Voilà. Jackie, si tu nous écoutes. Eh ben moi, je vous avais préparé un bout de rafistolage au cas où Valentin n'ait pas un quiz d'urgence à nous sortir. Et mon truc, c'était le Punky Quiz. Le Punky Quiz, c'est facile. Toutes les réponses, c'est Punky. Il y a 6 questions. Et pourquoi 6? Oh! Ah, joli. Oh! Top 6! Top 6! Les vrais savent. Est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'il y a des gens... Ouais, c'est ça, il faut avoir la référence. Alors en fait, comme c'est plutôt une émission collaborative, on va se partager le travail. J'ai 3 questions, vous êtes 3, donc vous avez tous une question à trouver à Punky le temps que je pose mes 3 questions. On y va! On n'a pas vu ses yeux depuis 2013, Maître Gims ou Punky? Punky! Oui, parce que Maître Gims, il y a une vidéo avec qui on voit ses yeux en 2018, voilà. Waouh. Putain, ouais. Ah ouais, t'as vraiment fait des recherches. Ah, j'ai vraiment fait des recherches. Ah, la vache. Il y en a qui bossent. Au moins, on apprend des trucs. Il filme des pages de vieux magazines pour faire des vidéos YouTube. Edouard ou Punky? Ah bah, Punky. Punky. Ah bah oui, Punky, c'est sûr. Évidemment. Là, il n'y a aucun évidemment doute. Bah oui, t'as teasé ce clash monumental. Pourquoi c'est important, juste en deux mots et sans attiser la haine et tout ça, moi j'aime plutôt bien le travail d'Edouard et tout, pourquoi c'est important de faire ses propres images et de faire ses propres sources, quoi? Pourquoi est-ce que... Parce que le jeu vidéo, il est contextuel et c'est ta partie qui va influer. Pour moi, on peut pas faire un test objectif d'un jeu vidéo, tu vois, par exemple. Tous les tests de jeux vidéo sont subjectifs parce que un joueur égale une expérience du jeu et une façon de le ressentir. Et justement, si tu veux au mieux décrire ce que t'as ressenti, bah autant avoir ta partie sous les yeux et montrer ce que tu veux et montrer ce qui va pas, etc. Moi, souvent, ça m'arrive de mettre des extraits de mes vidéos de capture et c'est le moment où j'ai eu le déclic du cheminement de pensée que j'ai écrit après et que je suis en train de faire à la voix off pendant que c'est diffusé, tu vois. Donc, ce qui fait que le moment où j'ai eu le déclic, quand j'ai joué, tu vois... Ton expérience de jeu qui fait ta narration. C'est ça, c'est... Par exemple... Je sais pas, je découvre un aspect du jeu que je trouve malin et j'analyse un truc où je me dis « Ah tiens, ça c'est malin parce que je peux mettre en corrélation avec d'autres choses. » Forcément, moi j'ai une mémoire qui est un peu visuelle et quand je vais refaire mon montage derrière, je vais retrouver cette capture du moment où je jouais et où ce déclic est arrivé et donc je vais pouvoir le mettre. Et ce qui permet parfois de faire passer les gens par le même cheminement de pensée que moi. Et pour en revenir à ta question, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux qu'il y ait du réel. Je veux pas que ce soit juste des je veux pas que ce soit un diaporama de trucs qui ont plus ou moins un rapport avec ce que je parle. Je veux qu'il y ait du réel dans mes vidéos et je veux que les gens ressentent ce que vraiment que le presque qu'ils puissent prendre la manette et jouer quoi. OK. C'est long comme réponse. Question. Non mais c'est bien parce que du coup avec une question à la con, j'ai une réponse sérieuse et ça j'aime bien. Troisième question, et après messieurs, ce sera à vous d'inventer une question dont la réponse est forcément Punky. Il a déjà dormi chez moi, Mister Yonda ou Punky? Punky, ah oui, dis donc. Ouais, j'ai ouais, dormi dans ton Airbnb de bourgeois. Mais ouais, c'était très cool d'ailleurs, le Mans. C'était le Geek Life. Geek Life, ouais, au Mans, c'est ouais. Ça. Le dernier festival avant le Covid. C'est quand même formidable. On est le seul événement pop culture en 2020. C'était cool, hein. Ah, voilà, c'était le bon temps. Et oui, parce que Yanda, du coup, lui, bah non, il se déplace pas pour voir... On se prétend amis, mais quand on organise des sauteries, d'un seul coup, monsieur a une excuse. Non, hein, voilà. Et, non, non. Voilà. Sans moi. Ni, voilà, ni pour les anives, ni pour le boulot, les bars, ni Nitzva, tout ça, on ne peut pas compter sur lui. Non. Yanda, as-tu une question dont la réponse est Punky? Alors, attends. Moi, j'en ai une, moi. Si, pour, si tu veux du vas-y, temps en plus vas-y, pour vas-y, la poser. Vas-y, vas-y. T'es vraiment un bon camarade, putain. Merci. Ouais. Merci. Les voyelles de son pseudo ne sont pas toutes en minuscules. Guiedré ou Punky? Pseudo ne sont pas toutes en minuscules. Bah, de toute façon, la réponse est Punky. C'est vrai que c'est pas la peine de chercher, c'est quand même... Non mais déjà, j'essaie de comprendre la question. Oui, en fait j'ai mis 3 minutes à l'écrire parce que j'étais en mode putain, ça marche pas à chaque fois. Je prenais en fait Guiedré, la chanteuse Guiedré a fait comme toi, c'est-à-dire qu'elle a certaines lettres en majuscules et certaines lettres en minuscules dans son pseudo. Mmh. Et du coup, il fallait que je trouve un truc qui que ce soit que chez toi. Ouais, moi c'est une sur deux. Mais toi c'est ah oui, c'est ah bah c'est ça que j'aurais dû faire en fait. Oui, c'est ça. Moi c'est une sur deux pour se rappeler. En commençant par une majuscule. Exactement. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Ah bah si, attends, par contre, si, vraie question, pourquoi, parce que tu tiens absolument à ce qu'on garde, ce qui est logique, c'est ton pseudo, ces majuscules et ces minuscules à leur place, pourquoi ce choix? Ça m'intéresse. C'est une bonne façon de mettre dans la tête aux gens un logo. Yes, parce ouais, qu'en okay. fait, t'associes la façon dont c'est écrit à la, entre guillemets, à la marque... Ouais. Punky, tu vois, donc du coup, c'est comme les marques qui ont une minuscule au milieu de leur nom, tu vois, ils vont la garder peu importe comment ils l'écrivent. Si dans le logo c'est comme ça, ils vont l'écrire comme ça. Genre iPhone, ça. Le iPhone, le i, même à l'écrit, tu l'écris en minuscule. Ouais. Donc c'est juste pour que les gens mémorisent plus facilement. Et c'est ça. En plus, t'as même pas besoin de design au final, puisque du coup, même à juste à l'écrit. Ça. Je peux l'écrire dans toutes les polices du monde. Yes. Il y aura toujours ce truc de ah oui, c'est Punky. C'est bon. Mais Valentin, c'est marrant parce que t'as jamais posé la question à Chris de Comics Race avec un X majuscule. Non, mais parce que lui, il nous l'a dit déjà. Enfin, je l'ai su. J'ai oublié. Ouais, certaines personnes s'y connaissent le secret de Punky. C'est un truc qu'il a piqué à Punky. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ouais, j'ai fait comme Punky, c'était cool. Non, mais en vrai, il a raison. Hein, ça ouais, t'identifie. Il y a une vraie explication. Il y a une vraie explication un jour. Et un jour, je vous la donnerai, mais pas dans cet épisode. Rendez-vous dans un des épisodes. On t'invitera un jour et puis là, tu pourras en parler. C'est pour que les gens restent. Par contre, ceci, le truc du pseudo, hein, je l'ai pas inventé. Hein, c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps sur Internet. Les youtubeurs avec des pseudos qui ont des majuscules, ah oui. des minuscules un peu particulières, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Diablo X9, tous ces mecs-là. Enfin, tu vois. Oui, c'est très... D'ailleurs, moi, je vous file l'astuce sur Internet. Quand on écrit un nom de domaine, ton nom de domaine, que ce soit en majuscule ou en minuscule, si c'est le bon.fr.com derrière, ça arrive. Ouais. Donc, quand il y a des noms de domaine avec plusieurs mots, et ben, c'est pas con de mettre une majuscule au début de... Ben, tu vois, après, lescomics.fr, il y avait L majuscule et C majuscule. C'est quand même plus facile à lire, ça permet de découper les mots. Pour ça et que donc, Press Start Button, on l'écrivrait Press avec un S majuscule au milieu aussi et à Start, parce que sinon, ça faisait 3 S d'affilée, donc c'était illisible. Press Start, tu vois. Bah oui. Du coup, eh oui. Du coup, voilà, dans vos noms de domaine, n'hésitez pas à mettre des lettres en majuscules pour faciliter la lecture et l'identification des gens. Alors, la question de Yanda, la tant attendue question de Yanda, évidemment. Eh ben moi, ma question, ça sera... il a cofondé le collectif Press Start Button, Punky ou Julien Chiez? C'est chaud. Facile. C'est Julien. T'as pas le droit de répondre. Ah, alors les autres, vous faites les marioles là, vous faites les marioles, allez-y. Ah, je sais pas. Donc je pense que c'est Punky. Ceci dit, j'ai mis beaucoup de temps à savoir qui était ce Julien Chiez. Je ne le connais que par tes comment dire, pas tes clashs, mais tes petits. Du coup, c'est qu'il faudrait que je clash un peu moins, comme ça au moins t'aurais pas appris qui c'était. Des taquineries, quoi. J'ai voilà. fait de la pub. c'est une des personnes qui faisait partie des gens que je lisais quand j'étais ado dans les magazines. Et c'est une des personnes qui ont fait partie de mes désillusions quand je suis arrivé dans le milieu. Parce que, en plus de lui reprocher son éthique particulière, j'ai eu aussi affaire à lui professionnellement. Et c'était pas glop non plus. Ce n'est pas une personne recommandable, donc. Non, j'ai pas bossé directement avec lui, mais on a eu un conflit professionnel. Je crois que j'ai vu une référence à cette histoire dans une vidéo qui fête les 5 ans de Press Start Button, que j'ai vu ce soir. Une référence à cette histoire, ah ouais ? Ouais, une histoire de couleur, tout ça. Ah oui. Et voilà. Oui, il y a des vieilles. Donc bah, voilà, chercher cette vidéo. Il y a de la ref. Mais comme quoi, ça fait longtemps qu'il traîne ses méfaits sur le net. Et Internet n'oublie rien, sachez-le. Ouais, on l'a invité au Mans, il était très sympa. Ah oui, je me souviens. Chris ? Moi, j'avais un truc du genre, il est le sosie officiel du dude de Zbigniewski. C'est Punky. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Punky ou qui ? Punky ou qui ? Parce que la blague, c'est dans l'autre proposition, c'est toujours pareil. Punky ou Francis Lalanne ? Cherchez un mec avec les cheveux longs. Franchement, si j'étais le sosie officiel de Francis Lalanne, je serais content aussi. Hein. ça me marre. Il est cool, Francis. Et est-ce que quelqu'un, parce qu'on parle du Big Lebowski en speed, est-ce que quelqu'un a déjà bu un russe blanc en vrai ? Ah, oui. Bah, moi, plein de fois. c'est parce que j'ai jamais eu la curiosité, ça vient de me poquer là. J'avais de quoi faire, on m'avait offert la liqueur de café justement pour que je puisse m'en faire, donc avec du lait, de la vodka, de la liqueur de café. Du Kahlua. Oui, ouais, c'est ça, c'est pas ça ? C'était du Kahlua, effectivement, oui, voilà, mais je crois que c'était... Enfin, c'est une liqueur de café, mais il y en a, t'as plusieurs types de liqueurs de café. D'accord. Mais tu fais ça avec du Kahlua. Généralement, tu peux le faire avec du lait, mais c'est mieux de le faire avec. Je crois que c'est une espèce de. Tu sais, le lait fouetté, là, qui est en crème. Tu vois, vraiment faire une crème avec le lait. Et après, c'est de la glace pilée, mais tu peux te faire des White Russian du pauvre, où ouais, tu prends du Kahlua, de la vodka. Donc, ouais, l'alcool qu'il y a dedans, c'est de la vodka. Ouais, c'est de la liqueur de café, mais tu peux prendre de la vodka à la place. Tu peux prendre ce que tu veux. Ça marche. En fait, dans le film, en plus, tu le vois qu'il se fait des russes blancs parfois à l'arrache, tu vois. Et à un moment, je crois qu'il se fait un russe blanc où il met du lait en poudre. Enfin, c'est n'importe quoi. je sais plus, ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Tous les russes blancs qu'il se fait, ils sont un peu à l'arrache parce qu'il n'y a jamais vraiment de quoi faire. Hein. Mais par contre, j'en ai bu. T'as un bar parisien, quand j'habitais à Paris, il y avait un bar parisien qui s'appelle Les Ferrailleurs qui est je sais plus où, dans une rue à bar encore à Paris, près de Bastille, je crois, et où ils faisaient des très bons russes blancs et où j'allais très très souvent boire des russes blancs là-bas. Et c'est sympa, ça envoie un peu, c'est bon ou... Ah, c'est moi j'adore, hein. Moi moi j'aime bien aussi, ouais. C'est très très cool, t'as l'impression de boire un espèce de café au lait glacé, un peu alcoolisé, quoi. Donc c'est ça. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Ça vaut sûrement pas les eaux chaudes, hein, mais bon. Non, ça, une bonne eau chaude. C'est quoi de l'eau chaude ? L'eau chaude, c'est. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Punky. Tu viendras goûter l'eau chaude en Normandie. Non, il faut que ce soit ton pote qui soit là, Chris, parce que c'est ton pote qui fait toute l'eau chaude. Chris, il avait un pote, la dernière fois que je suis venu chez lui, et qui cherche un partenaire, qui veut boire et qui cherche un partenaire de boisson. Donc, il identifie quelqu'un, et donc ce soir, j'étais désigné victime. Et donc, du coup, en permanence, tu sais, il a ce petit sourire en coin, puis il est en mode Je te resserre. Et du coup, son truc à lui, ce soir-là, c'est de boire de l'eau chaude, et donc, c'est un mélange. D'eau chaude, spoiler, et de calva. Tout à fait. Donc c'est très digeste et ça monte très très vite. Alors déjà, l'eau chaude à boire comme ça, c'est dégueulasse. Évidemment, c'était en juillet. Hein. Waouh. Donc en plus, t'es bien. Ouais. Et t'as bu ça, toi ? Ah bah, j'avais pas le choix, j'avais tout le temps un verre plein devant moi. Il l'a bu dans les deux sens. Ouais. Raoul, le cri qui les saoule. Ok, très bien, mais je goûterai pas. Comme ça, c'est clair. Il faut aller chez Chris pour goûter ça. Non. Et du coup, je profite de l'anecdote du russe blanc, tu vas voir. Regarde comment on va amener la pub, tu vois. Voilà. C'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, t'as bien aimé The Big Lebowski, t'as quand même été jusqu'à goûter la recette. Ça prouve ta cinéphilie et ta précision, le fait de devoir aller au bout des choses. Et on sait pas assez que t'es cinéphile. Ta cinéphilie, elle s'exprime notamment dans un podcast. Ouais. Que tu fais en ce moment. Ouais. Tout à fait. Ouais. T'as vu comment on a amené la pub ou pas? Ouais, je vois où tu veux en venir. Quelle souplesse. Je rappelle qu'il y a quelques épisodes, Matt m'a dit c'est un peu chiant de faire remarquer quand les articulations sont bien faites. J'osais pas le souligner. Et là, le mec amène très bien sa transition et il le fait remarquer. C'est un peu dommage. Écoute, ça gâche un peu, hein, c'est vrai. Il avait besoin de se sentir méritant et. T'inquiète pas. En vrai, quand c'est trop bien fait, j'ai honte et je suis obligé de le dire. Parce que quand ça fait trop bien, je dis oh non, c'est nul. Non, faut pas le dire. Il faut un côté bricolé, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de Some Stoner Stuff? Oui, alors donc c'est un podcast dédié aux stoner movies, qui est un genre très particulier. Et plus principalement des stoner comedies, donc les comédies de stoner, les comédies de défoncés. Donc c'est les films qu'on se met en fin de soirée entre potes, quand on revient de soirée et qu'on fait un after, ou quand la soirée tout le monde est parti se coucher et il reste que les trois pires qui sont encore en train de picoler et de fumer, et bah tu mets ce genre de film devant lesquels tu aimes comater, type Emekele Umakes, Harold et Kumar, comment ça s'appelle, Délire Express, Pineapple Express, tous ces films-là, en fait, qui sont un peu dans la culture du cannabis, on va dire, hein, très clairement, parce que c'est des films où les gens, ils fument. Et voilà, on va encore être démonétisés. Ça va. Quelqu'un a dit cannabis, merde. Tu peux pas être monétisé de toute manière après, donc quoi qu'il arrive, t'es niqué. Mais c'est un podcast vraiment dédié aux films de fin de soirée. Je suis avec Ash qui co-anime le podcast avec moi. C'est un comme par hasard. Voilà, exactement. Comme par hasard, sauf que ça s'écrit comme dans Evil Dead. Tu vois? Ouais. Ah oui. Et ouais. Et du coup, on décortique un film par émission. On a 10 épisodes, on fait des épisodes quand on veut, on n'a aucune régularité. Il y a des fois, il peut se passer 5 mois sans épisode, tu vois, vraiment. C'est un petit le plaisir. Le podcast, c'est à l'image des gens qui regardent les films, en fait. C'est exactement ça. C'est un podcast. Limite, si on pouvait se limiter et en publier que un tous les 20 avril, pour le fameux 420, on le ferait, tu vois. Si, mais bon, voilà. On s'autorise aussi des digressions côté teen movie, type. Tous les trucs un peu genre 10 bonnes raisons de te larguer, tout ce qui passe en fait quand t'es à moitié décalqué et que j'avais que écouté celui sur la buzz qui était vraiment bien. Ouais, voilà, on fait des films français. Je parle du podcast, pas du film, mais ouais. Oui, le film est vraiment bien. Mais la buzz, moi j'aime beaucoup, je suis désolé de le dire, j'aime beaucoup la buzz. Non, mais c'est parce que t'es normand. C'est pour ça. Moi, le Havre, tout de suite, le ciel bleu du Havre, ça moi j'ai adoré, quoi. Non, franchement, la buzz n'est pas un mauvais film. Enfin, moi, on en parlera peut-être un autre jour. Mais si vous voulez, on peut faire un épisode où on va réhabiliter Michael Youn. Mais si vous voulez vous faire un avis, en tout cas, nous, on a fait un épisode où on a été vraiment très, très, le plus neutre possible. On est parti vraiment sans a priori. Et il y a des choses qu'on a bien aimées dans le film. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a moins aimées, mais on a su lui reconnaître ses qualités. Donc, si vous voulez vous faire un premier avis, c'est pour ça que c'est intéressant, carrément. Et puis, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un épisode sur How High de Method Man et Redman? Pas encore, mais on a fait Friday avec Ice Cube. Ok, et, d'accord, très bien. Voilà, okay. Donc okay. On va le faire, évidemment, on va faire How High. How High fait partie des grands classiques de la culture stoner. Non, surtout pas le 2. Le 2 n'existe pas de toute façon. Donc... Mais j'ai un très bon pote à moi qui a fait une vidéo pour dire que How High 2 n'existait pas, justement. Ouais, et la dernière fois qu'on a dit qu'il y avait un truc qui n'existait pas dans cette émission, c'est la Snyder Cut, donc faites gaffe à ce que vous dites. Bref, allez voir la vidéo qui s'appelle Où est passé OI2 sur YouTube, qui est une très bonne vidéo où il y a une interview de Redman, un des deux protagonistes du premier OI, qui explique pourquoi ils sont pas dans le 2 et pourquoi le 2 est une catastrophe. Donc n'hésitez pas, la vidéo direct. S'appelle Où est passé OI2. Ok, et ben. Et ouais. Et donc le podcast s'appelle Some Stoner Stuff. Tout à fait, ouais, carrément. N'hésitez pas. Réussi à le dire. Et même si vous n'êtes pas dans le délire fumette et tout, c'est un podcast qui est vraiment là, qui est accessible à tous. Et justement, nous, on essaie d'expliquer pourquoi c'est des bons films devant lesquels tu peux fumer et te marrer, quoi. Parce que c'est des films à fou rire, en fait. C'est des films où il se passe des trucs tellement absurdes c'est des films psychés, absurdes, débiles. C'est de la comédie absurde dans tout ce qu'elle a de plus con-con, parfois. Mais on décrypte tout ça, on regarde ce qui passe encore aujourd'hui, ce qui passe pas, on se fait plaisir. C'est le portrait d'une époque, en fait. Enfin, il n'y a pas de films récents dans votre sélection? Ici, il y en a quelques récents. On a fait 21 Jump Street, par exemple. Ah ouais, ouais, oui. Tu vois, mais c'est vrai que c'est très tourné années 2090, effectivement. Parce que cette période a été très prolifique dans ce genre de film. Pour avoir un côté plus historique, c'était en pleine période Bush, où donc il y avait une grosse ségrégation, interdiction. Il y avait une grosse interdiction au niveau de la weed là-bas, même en Californie, c'était pas encore légal et tout, c'était Bush. Que ce soit au niveau de la musique et au niveau du cinéma, de la BD et tout, il y a eu une espèce de deuxième période hippie, en fait, qui était une période hippie un peu plus punk, un peu plus Jackass, tous ces trucs là, et qui prenait beaucoup d'artistes prenaient ça, la légalisation, etc. Et donc les films en parlent. C'est des films, par exemple Harold et Kumar, c'est juste deux Américains d'origine, on va dire marquées, qui sont racisés, comme on dirait aujourd'hui, qui veulent juste aller bouffer après avoir passé une soirée à fumer de la weed. Et ça fait un film, tellement ils peuvent leur arriver des trucs de ouf, que ce soit la police, que ce soit des trucs absurdes, etc. Et je trouve que c'est une frange du cinéma américain qui est intéressante, parce que on la retrouve moins aujourd'hui, depuis que ça a été légalisé dans beaucoup d'États. C'est moins facile de faire un film rigolo sur la weed quand c'est pas interdit, tu vois. Ou en tout cas de créer des péripéties quand la weed est légale, ouais, et, tu vois. Il y a moins de danger, quoi. Voilà. Donc ça s'explique par différents trucs, mais c'est intéressant. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Même en tant que comédie, il y a beaucoup de mécaniques de comédie stoner qui sont des mécaniques que tu retrouves dans les cartoons, que tu retrouves chez Buster Keaton, la comédie physique, etc. C'est le burlesque, etc. C'est des trucs que tu retrouves là-dedans et qui... Comme j'ai l'habitude de dire, je pense que peut-être ça apportera une belle conclusion, mais le stoner movie, c'est le seul genre du cinéma, avec le porno, où le réalisateur sait exactement dans quel état son spectateur va regarder le film. Pour tous les autres genres, ils peuvent pas deviner. Ça peut être dans un ciné, ça peut être dans un mood ou dans un autre. Les stoner movies, les pornos, on sait exactement ce pourquoi on est là. Dans un cas, fumer, et dans l'autre, prendre du plaisir sexuel, évidemment. Ah, c'est comme ça qu'il faut regarder le porno? Ah oui, ah, merde. C'est pas en faisant le repassage, Valentin. Ah, ok. Je comprends du coup pourquoi mes voisins me regardent chelou. Okay. Ouais, Valentin, il les regarde et il est dégoûté parce qu'à la fin, ça se marie jamais, c'est chiant. Il y a pas de belles histoires. Ça, tu t'impliques dans l'histoire d'amour. Tu fais, ah, ça y est, et non. Et après, chacun part oh de non, son côté. Oh non, puis qu'est-ce qu'elle fait là, cette voisine, enfin, merde. Non, mais ce qui est fascinant, et moi, c'est aussi ça qui m'intéressait dans le fait de recevoir Punky, c'est qu'on part avec des sujets... Ça pourrait être un sujet de merde. Ouais, bon, on fait un podcast, on en fait un quand on veut, et c'est des films un peu nuls qu'il faut voir quand t'es défoncé. Et en fait, il y a un prisme politique et social dedans et tout, et voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ça comme si on traitait d'habitude des sujets hyper quali. Alors qu'on a quand même parlé genre de Valentin qui pisse dans ses bottes dans l'ascenseur, de toi qui chie dans une cave, de Yanda qui emmène son grand-père à l'hôpital sans permis. Enfin, je veux dire, on a quand même passé quelques sujets. Oui, bon, qui mais c'est pas ça non cette plus émission. Le haut du panier, quoi. À côté, enfin, on parle, voilà, dans la même émission, on va parler de. Pourquoi c'est pas une bonne idée de vomir dans une voiture en route, et derrière on va mais après, expliquer le fonctionnement de la crypto-monnaie, tu vois. Je t'explique, le stoner movie c'est pas un truc un télo non plus, hein, parce que c'est quand même des vannes de caca et de vomi au moins une fois de par film. Voilà. Je veux dire, la plus belle scène pour moi, la plus belle scène de vomi du cinéma est dans le film des Trois Rock City, tu vois. C'est une des plus belles scènes de vomi que j'ai jamais vues dans n'importe quel film. Et on en parle, tu vois, donc ça parle de vomi, ça parle de caca. Je vais beaucoup aimer ce podcast. Et le lien est donc dans la description. Du Coq à l'âne, t'as combien de consoles chez toi? Oh, je les ai pas comptés, mon. 2, 3, tu les 4, as toutes 5. Ouais, je les ai à peu près toutes en fait. Ce que je vais plutôt dire celles que j'ai pas. J'ai pas d'Xbox One. J'ai pas de. Tu peux en j'ai pas d'Xbox cher, One. J'ai pas d'Xbox One et j'ai pas de Switch. Voilà. Ah, t'es le Virtual Boy. Non, j'ai pas de Virtual Boy. Non, ouais. Alors... Comment on va te tester? Et t'as la barcode Battler? les mecs rageux, tu sais, qui vont sortir. Ah ouais? Et dis-moi, t'as pas vraiment tout, tout, tout, tout, tout. Hein? Parce que bon, voilà quoi. Non, non, ouais. Vous avez connu. Attendez, vous avez connu la barcode Battler ou pas? En vrai. Je connais pas, c'est la première fois que j'entends ça. C'est le truc de Mattel. C'est la console où il fallait passer des codes barres de paquets de lessive. Bien sûr. J'adorerais en retrouver pour faire une vidéo là-dessus, tu vois. C'est le genre de truc que je veux traiter dans mes vidéos. Là, je prépare une vidéo sur les jeux dans les boîtes de céréales. Déjà, je vais me taper des barres. C'est... Ah yes, oh excellent, il y aura Spy Fox. Des barres de céréales. Il y aura Spy Fox, il est même sur la miniature. Je peux même te dire qu'il est sur la miniature Spy Fox. Il tient un paquet de céréales Punky Pops avec moi qui mange des petites cornflakes. Excellent. Donc, TKT. Spy Fox sera là, mais ouais, j'ai pas de Neo Geo, j'ai pas de 3DO, CDI, tout ça, j'ai pas. Par contre, j'ai une PC Engine, j'ai des consoles un petit peu, j'ai la Dreamcast, j'ai des consoles comme ça, quoi. Enfin, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour travailler, quoi. C'est quoi ta bécane de l'accomplissement? La console que tu voulais, que t'as jamais pu avoir quand t'étais petit, et d'un seul coup, t'as pu la choper, genre plus tard, un peu pour le boulot, et genre... c'est bon, c'est le live achievement quoi. Tu veux dire, ah oui, ouais, je l'ai eu il y a pas longtemps, là, je l'ai payé avec les sous Tipeee, c'est une GBA, attendez, je l'ai là. La tribale? Non. Message personnel à Chris, j'ai entendu ta vanne sur la barre de céréales, elle était bien. En fait, c'est une GBA, tout ce qu'il y a de plus quelconque, sauf qu'elle a un écran rétro-éclairé. Ah. Et elle a une plaque transparente en verre par-dessus l'écran. Ce qui fait que ça ne se raye pas. En fait, j'avais des Game Boy Micro avant et j'adore la Game Boy Micro, mais pour mes vidéos, c'est trop petit, j'arrive pas à filmer l'écran. Et du coup, j'ai pris ça et je me suis souvenu que quand j'étais gamin, j'avais une Game Boy Advance et que le premier modèle et que j'ai jamais eu de SP étant gamin et que j'aurais aimé avec mon premier modèle pouvoir jouer sous ma couette et maintenant je peux le faire. Donc c'est un peu l'accomplishment. On a parlé les gars de nos consoles, mais c'est quoi la console qui a marqué on a parlé jeux vidéo, mais c'est quoi la console qui a marqué votre enfance? La NES et la 64, moi. NES, genre le grand écart quoi. Ouais, en fait, j'ai pas eu de Super NES. En fait, j'ai eu la NES en 93, donc la Super NES était déjà sortie. Et en 96, après, j'ai eu la 64, donc j'ai fait mes premiers faits d'armes vidéoludiques sur NES avec trois jeux. C'était Mario, Warrior and Wizard 3 et Double Dragon. Et ensuite, je suis passé à la 64 et là, c'était. J'ai découvert la 3D. Putain, il y a une dimension en plus quoi. C'était ouf. Avec Super Mario 64, c'était. Et des arrondis. Mais wow, tu n'as pas eu Rampage. Je n'ai pas eu Rampage, ah, non, à mon grand désarroi. Ouais, ça a été une de mes plus grandes frustrations de ma vie. J'en ai pleuré. Moi, j'ai pleuré pareil parce que j'ai jamais eu Pokémon Stadium. Ah putain, c'était et une fois vraiment 14 ans, ça fait 6 mois que je réclame Pokémon Stadium à mes parents et ils veulent pas, tu vois, vraiment. Et là, je fais mon plus beau rêve. Je rêve toute la nuit que j'ai Pokémon Stadium et je déboîte le jeu toute la nuit dans mon rêve. Je suis juste sur mon canapé en train de jouer à Pokémon. Il se réveille. Et je me réveille et j'ai pleuré au réveil. J'étais en mode... Le traumatisme. Horrible. Je pourrais jamais récupérer cette sauvegarde. Jamais. Yanda, c'est quoi la console de ton enfance? Console de mon enfance, c'est la Mega Drive. Que j'ai pas mal poncé dessus avec notamment des Altered Beast et tout ça. Golden Goose, c'était Mega Drive aussi, j'ai un doute. Ça a été partout, Golden Goose. Okay, non, c'était Golden Goblin chez Nintendo, non? Oui, c'était sur Mega Drive aussi. Hein. C'est juste que la version était un peu moins léchée, on va dire, surtout niveau musique. Mais. Oui, donc, c'est ouais. Donc petit, enfin ouais, plus jeune, c'est la Mega Drive. C'est la Mega Drive, c'est la première console que j'ai vraiment poncée. avec la Master System, et la Master System un peu moins parce que j'avais Alex Kidd dedans et que c'était la frustration ultime, ce jeu. Et alors, quel grain de papier de verre faut-il pour poncer une Mega Drive ? Eh bien, il faut. Alors ça, en fait, ça a été générationnel. Il faut savoir que quand j'étais petit, plus jeune, je ponçais les consoles, et à l'adolescence, je brûlais les jeux. Voilà, tu vois, c'est on montait dans les échelons parce que c'était, je pense que c'était dû au nombre d'heures à partir du moment où on a commencé à franchir les cinquantaines d'heures de jeu sur des Final Fantasy et autres. Là, on nous disait, ouais, t'as vraiment brûlé le jeu. Et moi j'étais là, mais non, faut pas faire ça, c'est pas bien, mec. Ça se fait pas de brûler les jeux. Au prix que ça coûte, merde. Bah ouais. Encore qu'il y avait pas mal de jeux qu'on allait louer dans les vidéothèques à la bonne époque. Moi j'essayais de noyer les jeux, parce que j'avais ma collection quand j'étais ado, en fait. J'ai déménagé de chez mes parents très tôt, quand j'avais 15-16 ans. Et du coup, ils ont gardé mes affaires dans un garage pendant des années, sauf que le garage, le toit, il a pris l'eau, tu vois. Donc gros dégâts des eaux. Et toute ma collection y est passée, surtout qu'ils s'en étaient pas rendu compte, donc tout avait moisi dans les boîtes et tout, j'étais vraiment vénère. Par contre, tu m'as appris un truc, j'y avais jamais pensé, Yanda, mais on pouvait donc, comme dans un vidéoclub où tu louais des DVD ou des cassettes, tu pouvais louer des jeux aussi. Moi j'avais un vidéoclub à côté de chez moi où je pouvais aller louer des jeux, j'ai loué des jeux PlayStation, et dont notamment FF7. Ça devait coûter une blinde parce que contrairement à un DVD, tu finis pas le jeu en deux heures, quoi. Non mais tu finissais pas le jeu. Clairement, FF7, on l'avait loué un week-end. Ouais. On avait loué les 3 CD, je crois que c'était 3 CD. On avait loué les 3 CD. On tu peux louer un seul des CD. On a même pas fini le premier. Enfin, tu vois, c'était. Ah ouais, c'est ça. Oui. Ah si, tu devais louer les trois en même temps. Tu pouvais parce qu'il les dissociait. Mais nous on s'était dit, vas-y, c'est bon. Je me souviens, c'était avec mon petit frère et mon cousin. Je dis, vas-y, c'est quoi, on loue le jeu. Les gars, rien à foutre pendant tout le week-end. 72 heures, personne ne dort. On se fout devant la télé, on se relaye, on finit le jeu. Et puis, premier soir, 3h du matin, t'en as un qui commence à tomber, 4h le deuxième, et puis à 8h le jour se lève et on est tous en train de dormir, endormis, et puis au final, on n'a pas fini le premier CD. Mais après, derrière, du coup, j'ai été obligé d'aller acheter le jeu, parce que par contre, on avait pu avoir gardé la sauvegarde, puisque c'était... Voilà, c'est les cartes mémoire. Les cartes mémoire, la belle époque. Et après, on avait racheté le jeu, mais ouais, j'avais un vidéoclub qui louait, qui mettait en location des jeux vidéo. Ouais. Ok. Chris, c'est quoi la console de ton enfance ? Moi, c'est clairement la Game Boy, enfin toutes les Game Boy, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. J'ai passé toute mon enfance et tout mon collège sur la Game Boy. J'ai plus passé de temps. Ça fait beaucoup de piles. Oui. Jusqu'à la SP qui avait une batterie et qui a été genre pour moi une. Franchement, pour moi, c'était genre le futur. Que Game Boy Advance SP, une batterie et un rétroéclairage. J'ai dit, what the fuck, mais le monde est en train de changer, les gars. Plus de piles. Et je te jure. Et franchement, la Game Boy, j'ai passé, mais je sais pas combien d'heures. Enfin, rien contre Pokémon, Zelda et tous les trucs. Enfin, tous les Mario. Les Wario Land aussi, je kiffais grave les Wario Land sur Game Boy. Et je les ai tous poncés, comme dirait Yanda. Et du coup, j'ai vraiment bouffé des heures et des heures de ma vie sur Game Boy pour en arriver là. Voilà. La Game Boy a niqué ma life, en fait. Tu veux dire le Game Boy, non? Non, je dis la Game Boy. Par contre, je dis le GameCube. Alors, je dois avoir un problème. Moi, je suis pour que les consoles. C'est plus logique parce que c'est un cube. Pour que les consoles puissent exprimer leur sexualité comme elles l'entendent, d'accord? Ok. On est en 2020, monsieur. Donc, si elles veulent s'identifier comme une console ou comme un console, pas de problème. Le point là, Game Boy. Entre l'autre fêlé qui nous parle de la Game Gear et l'autre qui nous dit non, mais c'est n'importe quoi. Cet établissement part en couille. Non mais je voulais donner à Yanda l'occasion de s'exprimer ce soir. Il a pas eu l'occasion de parler depuis une heure et demie. Non mais c'est bien. Écoute, les gens en ont marre de m'entendre vu tout ce que j'ai jacassé dans l'épisode précédent. Donc c'est très bien. Mais c'est surtout que les gens depuis l'épisode précédent ont fait fortune dans la crypto-monnaie. Ils n'écoutent plus le podcast. Ils ont bien mieux à faire que de nous écouter. D'ailleurs, tiens, leur Lamborghini. Tant qu'on en parle, si vous avez écouté l'épisode 9 où on parle de Brave et de la crypto-monnaie, on est inscrit, les Staminerds, comme créateur Brave. On peut toucher vos bats et votre crypto-monnaie. Vous allez sur le site, vous faites la récompense, tout ça, Yanda vous expliquera, ce sera beaucoup plus simple que ce que je vais raconter moi. Et que ça soit bien clair, on ne touchera rien d'autre chez vous. Je voudrais que ça soit inscrit quelque part, parce que les gens viennent, vous dites que vous pouviez nous toucher. Non. Hein, attention. On va toucher de la crypto, de la bonne crypto. La console de mon enfance, J'hésite vraiment entre la NES et la Super NES. Mais toi, on t'a pas demandé. Donc du coup, si on pouvait passer au sujet suivant. Il va me niquer ma transition. Mais là, on était en rétro gaming. On allait parler de rétro gaming. C'est pour ça que... qu'on parlait de tout ça. Il y a pas de. Tu veux parler de quoi avec l'autre Punky là, je sais pas quoi. Non, parce que tout ça, tout ce rétro gaming, c'est des souvenirs de quand on était petit. Nous, c'est la frustration en fait de tous ces jeux qu'on a vus dans les magazines et qu'on pouvait pas s'acheter parce que ça coûtait 700 francs à l'époque la moindre cartouche. Il fallait économiser tout ton Noël pour t'acheter Secret of Mana ou Super Metroid et c'était vraiment compliqué. Ah, moi je tondais les pelouses. Ouais, t'as bossé tôt, toi, c'est pour ça. T'as été émancipé, t'as travaillé très tôt. Ouais, non, mais même quand j'étais petit, soit je tournais plus, soit j'aidais ma grand-mère et mon grand-père au jardin. Genre, je cueillais les haricots, j'épluchais les haricots, les pommes de terre, les petits pois, les trucs. Ouais, y a toujours moyen de gratter un petit peu de thunes pour aller chercher un petit jeu d'occasion ou racheter un jeu à un pote. Racheter les jeux ou échanger les jeux aussi, beaucoup j'ai fait. C'est une bonne technique. Tu te rends compte de cette époque, aujourd'hui, c'est les gens qui payent pour aller ramasser des légumes chez les agriculteurs. Et toi, on te payait à l'époque. Eh ouais, bah pour aider, hein, parce qu'il faut bien les faire pousser. Non, alors déjà, dans la France de 2020, les profs, ils vont ramasser des légumes gratos parce qu'il n'y a pas école et qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Que des fraises. Parce que les profs, à part ramasser des légumes, de toute façon... Ramasser les fraises. Voilà, les profs ramassaient des fruits et des légumes et ils ne nous emmerdaient pas, d'accord. Et mettez vos masques. Punky, en 2016, tu annonçais la fin du rétro gaming dans une vidéo qui affiche 70 000 vues, donc il y a quelques témoins. Mmh. Tu penses toujours que le rétro gaming arrive à sa fin? Comment tu vois la mode des mini-consoles, par exemple? Alors, c'est tellement de questions en une, en fait, parce que le rétro gaming va mourir. Il y a eu un rétro gaming qui va mourir, c'est celui... dont tout le monde se fout. En gros, le problème des consoles mini, c'est très bien, hein, mais c'est pour ressortir Super Mario Bros. 3. Je sais pas si on a besoin encore de préserver cette œuvre. Je pense qu'elle est disponible sur assez de formats et je pense qu'il y a d'autres moyens de la ressortir que de refabriquer une console. Je pense que déjà en termes d'écologie, c'est un désastre, sachant que on sait encore réparer les NES Maxi, hein. Elles fonctionnent encore, et les cartouches, on sait très bien les réparer, ça peut encore fonctionner. Donc c'est... Qu'est-ce que t'appelles les NES Maxi? Bah les NES d'origine. Les NES normales, d'accord, quoi. Il y a des dispositifs... En fait, il faut... Le problème, c'est que la NES Mini, en plus d'être un désastre écologique, parce que vraiment, refaire une console pour exactement les mêmes jeux, refaire du plastoc et tout pour exactement les mêmes jeux, c'est quand même... ultra dégueulasse, ça se fait vraiment pas. Enfin, moi, je trouve ça... Après, c'est peut-être que je suis un peu écolo, mais genre... j'en sais rien, je trouve ça immonde envers la planète, ça se fait app. Ça se fait juste app. Surtout que la ROM, elle pèse 8 kilo-octets et que tu peux la lancer avec n'importe quel putain de téléphone. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Et puis, surtout, aujourd'hui, il faut mettre en avant les solutions pour pouvoir refaire marcher les NES d'avant. C'est-à-dire qu'une NES d'avant, ta télé, elle peut peut-être pas la prendre, mais t'as des dispositifs pas chers qui te permettent de prendre toutes les vieilles consoles. Et voilà, mais pour ça, il faudrait que la spéculation sur le rétro s'arrête. Il faudrait que pour que les cartouches redeviennent moins chères et redeviennent accessibles à l'achat. Il faudrait que les gens puissent être mieux renseignés aussi sur le fait que bah, leurs vieilles consoles, au lieu de les jeter, ils peuvent peut-être les garder et les réparer. Et il faut aussi qu'il y ait plus de business qui se lance dans le rétro, en fait, c'est-à-dire des gens qui sont là pour accompagner le consommateur dans la ressortie d'une vieille console, ou voilà, plutôt que de lui proposer une solution clé en main qui va coûter cher à lui et à la planète, et en plus qui ne préserve pas le jeu vidéo, hein, parce que les 15 jeux de la SNES Mini ou les 20 jeux de la SNES Mini, c'est des jeux qui sont pas spécialement en danger en termes de préservation historique, alors que le jeu NES qui est sorti qu'en Europe sur la fin de la vie de la console et qui a pas été beaucoup édité, bah lui, si on n'avait pas la ROM, on pourrait pas y rejouer. Et si quelqu'un avait pas dumpé la ROM, aujourd'hui on pourrait pas y rejouer. Donc je trouve ça plus intéressant, moi, voilà, même toute la scène Raspberry Pi pour faire des petites machines pas trop chères, pas trop coûteuses et qui servent à émuler toutes les consoles. Pareil, je trouve ça bien plus malin que de prendre une NES Mini au même prix qu'à 15 jeux, et juste parce qu'ils ont ressorti les moules, quoi. On va traduire tout ça, du coup, en langage néophyte et grand public. Du coup, toutes ces consoles, du coup, c'est des versions mini des consoles des années 80-90. Mmh. Ça a poussé au débile. Du coup, on a sorti des Game Gear Mini qui sont petites et que tu peux pas jouer dessus. Merci. Il y a tout, il y a eu la PlayStation classique, il y a eu Atari s'y sont mis, Capcom, je crois qu'ils ont fait un espèce de stick avec des trucs arcade. Enfin, ça y est, maintenant le plug and play, c'est redevenu un truc à la mode. Avant, tu sais, on vendait les vieux joysticks Pac-Man qu'on branchait sur la télé directement, tu vois, les vieux joysticks avec Pac-Man et je sais pas combien de jeux intégrés là. Mais c'est exactement la même chose, mais en termes d'écologie, c'est un désastre, quoi. Et surtout, tous ces systèmes-là, c'est pas de la vraie console, c'est de l'émulation. Oui, c'est exactement la même chose que t'aurais sur n'importe quel. Ah, mais la puce qu'il y a dedans, c'est les mêmes puces qui sont utilisées dans les smartphones ou dans les Google Chrome ou ce que tu veux, tu vois. C'est le même genre de technologie, quoi. C'est un ordi, quoi. C'est un ordinateur. Et quand tu parlais des solutions Raspberry, un Raspberry, c'est un tout petit ordinateur qui fait 10 cm sur 10 cm. La taille d'une carte bleue. Voilà. Voilà! Ça coûte, selon les formats que tu vas prendre, entre 10 et 50 balles. Tu mets une carte SD à l'intérieur et il y a des systèmes tout faits, clés en main, qui te permettent d'avoir une sorte de borne qui permet de jouer à toutes les consoles pour lesquelles tu vas avoir des jeux. Et pas que, en fait. Moi, c'est pas plus malin en termes d'écologie parce que le boîtier, il coûte aussi cher à la planète et la carte, elle coûte aussi cher à imprimer. Le truc, c'est que ça a plusieurs utilisations. C'est-à-dire que tu peux très bien t'en servir pour ça et puis dans 10 ans, avoir un autre truc qui te sert pour le jeu vidéo et ça, t'en servir pour faire autre chose, pour faire un NAS, pour faire, je sais pas, piloter tes caméras. Oui, voilà, tu peux en faire strictement ce que tu veux, c'est modulable. C'est réutilisable, etc. Et du coup, je trouve que, en fait, c'est ce vers quoi on devrait tendre en termes d'écologie, c'est-à-dire une universalité des composants, de manière à ce qu'on puisse doubler la durée de vie, en fait, des appareils qu'on fabrique. En fait, c'est ça qui est ouf avec ça mélange plein de notions. Ça fait partie du développement informatique qui s'est toujours fait dans de mauvaises conditions. Mon premier ordinateur, il y avait un disque dur de 4 gigas dessus. Et le système, il tenait. Hein. J'installais des jeux et tout sur 4 gigas. Aujourd'hui, le moindre Windows, il ne tient plus là-dessus. Et en fait, on a fait la course à avoir de plus en plus d'espace et à vendre des espaces de stockage de plus en plus grands. On n'a jamais fait la course à l'optimisation. Et quand tu installes aujourd'hui... un système d'opération genre Windows 10, à l'intérieur il y a Watmill driver pour pas que toi t'aies à te faire chier à trouver les drivers de tes machines, mais du coup c'est de la place perdue, c'est du matos que tu télécharges et qui va prendre de l'espace disque, consommer de l'électricité et dont tu n'as pas du tout l'utilité. On n'a jamais cherché à optimiser nos systèmes, en fait on a juste fait la course à la... Mais même on en a parlé avec Yanda et genre la mise à jour de Call of Duty, c'est 100 gigas quoi, c'est une mise à jour, c'est pas le jeu, c'est genre une mise à jour. Mais en fait il remplace tous les fichiers du jeu. Ouais. C'est une nouvelle build du jeu, donc qui remplace tous les fichiers du jeu. Ouais. Il faut savoir une chose quand même, c'est que techniquement, fabriquer un disque dur qui fait 5 gigas ou qui fait 5000 gigas, ça coûte pas plus cher à la boîte qui le fabrique. Ouais. Enfin, sauf si je me trompe, mais il me semble bien que c'est le cas. Pas beaucoup en tout donc, cas. Donc, c'est clairement un argument commercial de bâtard, en fait, puisque on va te vendre un truc plus cher parce qu'il y a plus de place dessus en théorie, mais dans la pratique ça n'a pas coûté plus cher à fabriquer. Mais le problème c'est qu'en fait t'as pas plus de place puisque tout augmente sauf l'amour. Titre l'espace de stockage l'espace de stockage augmente à la même vitesse que ce que tu veux stocker dessus, en fait. Et donc si t'as un disque 10 fois plus grand pour stocker les vidéos qui sont 10 fois plus lourdes, bah à la fin t'as le même nombre encore, de vidéos sur ton disque, donc ça sert à rien. L'espace disque, c'est pas que ça. Pour prendre un truc plus concret, le problème qu'on a dans le jeu vidéo actuellement, et pour moi le plus gros problème de ce putain de loisir capitaliste, excusez-moi, hein, mais c'est ce système de génération. C'est un truc qui est vraiment uniquement dans le jeu vidéo, c'est un truc que tu retrouves uniquement dans le jeu vidéo, ce système de génération de consoles. Ça n'a aucun sens, ça veut dire tous les 7 ans, les jeux ils deviennent périmés, tu peux plus les utiliser avec le nouveau matos. Ce qui fait que moi, je me retrouve avec des bibliothèques de boîtes en plastoc qui concrètement me servent à rien parce que je peux te retrouver les doublons de jeux que j'ai parce que je les rachète sur une autre console, ce que j'évite de faire généralement, mais voilà, je vais les racheter sur telle console pour pouvoir le faire tourner. Et ça, c'est vraiment le jeu vidéo est très nocif à la planète. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans le jeu vidéo et dans le rétro et dans le nouveau. On va avoir besoin du rétro très bientôt, parce que si on continue à produire des jeux, au bout d'un moment, on ne pourra plus continuer à produire des jeux et des générations de consoles comme ça sans que ça nous mette dans la merde en termes d'écologie et que ce soit très très concret et très très rapide. Ça va être le moment où il va falloir s'interroger sur la façon de rebrancher nos vieilles consoles. Là, il y a aussi tout l'aspect streaming qui pose problème parce que du streaming en jeu vidéo, c'est sympa, mais c'est comme pour les films, c'est des serveurs. Ça a besoin d'être froidi, ça a besoin d'électricité, etc. C'est coûteux pour la planète et on a besoin de revenir à... si on veut pas connaître un jeu vidéo Mad Max, où nos consoles, ce sera plus que des consoles réparées et des vieux jeux rayés qu'on essaiera de gratter pour que ça marche, si on veut pas arriver à ce jeu vidéo Mad Max qui va arriver parce qu'on pourra plus produire de consoles et de boîtes, il faut stopper à un moment et re-rendre les anciens jeux compatibles avec du matos actuel qui coûte soit pas cher à fabriquer, donc c'est-à-dire réparer du vieux matos, le rendre compatible avec les télés actuelles, et ou des solutions peu coûteuses et qui sur la durée ont un impact écologique différent de celui actuel. C'est ça qui me préoccupe moi en termes de rétro gaming. Mais surtout si tu prends le rétro gaming, aujourd'hui il y a des solutions qui existent et qui te permettent de télécharger des packs complets dans lesquels tu vas avoir genre tous les jeux des années 70 jusqu'à la PlayStation ou la Dreamcast. Et du coup, tu peux récupérer des packs entiers aujourd'hui sur Internet qui sont pré-zippés. T'as juste un fichier à télécharger dans lequel il y a déjà 55 000 jeux, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tout ça, ça existe. Est-ce que. En fait, le rétro gaming, c'est politique, en fait. Il y a une idée de décroissance là-dedans. En plus de la nostalgie. Je sais pas si elle est. Non, parce qu'elle peut. Tu vois, voilà. Bah voilà. En fait, je pose des questions de merde et tu fais des réponses intelligentes. Et je pose une question intelligente et tu vas pas répondre. Si. Et ça, c'est décevant. En deux temps. c'est pas. En fait, il n'y a pas un rétro gaming et il n'y a pas un type de rétro gamer. Moi, je suis autant. Il y a le mec qui va faire comme moi du rétro gaming optimisé, qui va craquer ses consoles pour essayer de faire tourner des jeux qu'elle fait pas tourner à la base, pour essayer d'utiliser d'avoir le moins de consoles branchées possible et tout. Vraiment, il y a des gens qui vont faire ça. Et puis, il y a des gens qui C'est-à-dire, je comprends pas. C'est quoi l'exemple? L'exemple, par exemple, c'est que moi, ma Wii, sur ma Wii, je peux jouer de quasi toutes les consoles de la NES à la N64, y compris aussi la GameCube et la Wii. Donc ma Wii, elle fait tourner littéralement 16 consoles différentes. Ce qui fait que j'ai une Wii de branchée plutôt que d'en avoir 3, machin, truc. J'en allume une, la Wii, elle consomme pas beaucoup, donc c'est cool, tu vois. Tu peux optimiser ton rétro gaming. Avoir un Raspberry Pi, c'est du rétro gaming optimisé. C'est avoir une librairie de jeux au même endroit pour que ce soit plus pratique, mais aussi moins coûteux, plutôt que de le racheter sur le PlayStation Store à 20 balles, tu vois. Ton Crash Bandicoot, plutôt que de le repayer à 9 euros, tu vas mettre 3 fois la somme et tu vas avoir un truc qui te lit tous les Crash Bandicoot et tous les Spyro et tous les jeux de la PS1 et de toutes les autres consoles, etc. Et puis tu vas avoir le mec, tu vas avoir des rétro gamers consommateurs. Mais c'est facile à repérer, généralement ils ont des Funko Pop chez eux. Mais celui-là, il va acheter toutes les consoles classiques. Dès qu'un jeu va ressortir en remaster ou en PSN, il va le racheter et y jouer 5 minutes juste parce que c'est son enfance. Et il va acheter, mais à côté, c'est bien pour l'économie du jeu vidéo parce qu'à côté, il va acheter Sonic Mania, il va acheter des Mario Maker parce que voilà, ça lui parle aussi. Mais je préfère 10 fois plus des initiatives comme Sonic Mania et Mario Maker que qu'on te revende 5 fois le même jeu avec 10 packaging différents et que. On va se tuer à force, quoi. Enfin, le jeu vidéo, c'est un des loisirs qui fait le plus de mal à la planète. Vous les avez vus, les mers de Guitar Hero, là? Les îles de... Il y a des îles de déchets où c'est que des guitares de Guitar Hero. Putain. Oh, quelle horreur. Alors que les guitares de Guitar Hero, elles peuvent encore servir. Elles marchent pour tout, ouais. Pourquoi aujourd'hui... Ouais. C'est de l'USB. Pourquoi aujourd'hui, ils sortent pas un Guitar Hero classique avec les meilleurs titres qu'il y a eu dans tous les Guitar Hero d'avant et tu peux réutiliser ta guitare? Et ils font le choix de pas vendre de guitare. Comme ça, toutes les guitares, tu les rachètes et tu les réutilises. C'est pas du matos. Si tu veux, il faut pas culpabiliser d'avoir fabriqué tout ça. Il faut culpabiliser de l'obsolescence du truc, quoi. Et moi, ça me révolte, tu vois. Ça me tue de ouf de voir ça. Et avec toutes les vidéos que je fais, je le vois à chaque fois, des Kinect, des machins, des trucs, tu vois. Imagine, un Kinect, tu le regardes, c'est un truc en plastoc, tu te dis, ouais, c'est tout léger, en fait, c'est ultra lourd, c'est blindé de composants. Je dis, putain, jette ça dans une mer et regarde combien de temps ça tient, quoi. C'est n'importe quoi, pareil. C'est comme tout ce qui est industrie du clavier, souris, etc. On jette nos claviers souris dès qu'il y a une touche qui marche plus, alors qu'on pourrait les réparer. Mais c'est pas dans l'intérêt des grandes entreprises de te faire réparer leurs produits. Leur intérêt, c'est de te le revendre une deuxième fois, quoi. C'est tout, c'est ce que tu dis, c'est un problème global, en fait. Mmh. C'est tout ce qui est obsolescence programmée et tout, et pas que dans le jeu vidéo. Donc Ouais. Et pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée dans cette vidéo, le rétro gaming va mourir. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire le jour où il y aura plus de, où toutes les piles de sauvegarde de Game Boy elles seront mortes? Mmh. Comment on fera pour sauvegarder nos jeux, à part sur émulateur, tu vois? Mais si on veut voir à quoi ça ressemblait, comment on fait pour en faire une vraie partie? Et les gens me disaient, non mais les piles tu peux les racheter, elles sont fabriquées, il suffit de les commander sur Amazon. Ouais mais mon pote, le jour où les piles elles seront plus fabriquées parce que le lithium qu'il y a dedans il coûte trop cher à la planète et que maintenant on a des batteries rechargeables, le jour où juste on peut plus les fabriquer parce que les usines elles ont fermé, parce que ces piles elles servent plus qu'à ça et que il y en a pas assez qui se vendent pour faire tourner les usines, et ben ton jeu Game Boy tu pourras essayer de sauvegarder autant que tu veux et de commander autant de piles sur Amazon que tu veux, il y aura des pénuries et c'est des jeux qui vont crever et qui vont finir dans la mer parce que les gens les jetteront. C'est un désastre. Désolé, j'ai plombé l'ambiance. Non, non, pas du tout. Non, au contraire, c'est intéressant. Et à côté de ça, il y a dans le rétro gaming, il y a une notion. Alors moi, je suis un gros consommateur. Tu parlais des solutions sur Raspberry. Moi, je suis un utilisateur d'une solution qui s'appelle Recallbox depuis de nombreuses années. Bien sûr, qui ont une chaîne Twitch très cool d'ailleurs que je recommande. Ouais, et ils ont fait beaucoup de lives, il y a beaucoup de lives avec des invités hyper intéressants qu'ils ont fait pendant le confinement. Ils faisaient un jour un live, ouais. Et il y a énormément de débats hyper intéressants sur la pop culture, le jeu vidéo, l'évolution et tout. Tout à fait. Du coup, c'est intéressant d'aller piocher là. J'ai regardé cet après-midi, il y avait Gia de Game One qui était invité justement dans son débat. C'est très très cool. En fait, il y a une histoire de sensation perdue en fait avec l'émulation malgré tout, parce qu'il y a plein de tous ces programmes et tout ça. Il y a plein de trucs aussi qui ont été dans la palette de couleurs qui est utilisée, dans la façon dont l'image s'affiche, dont le rendu est fait. Il y a plein de trucs qui sont en fait optimisés pour être diffusés avec ton signe analogique, avec ta Péritel, où t'as des couleurs qui sont sursaturées pour compenser ce qui va être en perte analogique, par exemple. Pour en prendre un exemple très très simple, qui va parler à tout le monde, un jeu console portable sur un écran de télé ou sur un écran de PC, un jeu Game Boy, c'est dégueulasse, t'as envie d'y jouer sur un écran qui fait ça, parce que c'est fait pour être sur un écran qui fait 4 cm par 4, quoi. Et quand je fais Wario Land sur mon émulateur, sur ma grosse télé, je peux te dire que Wario, il est bien fat. Ouais, il est bien pixelisé aussi. Mais ouais, tu vois, rien que ça, les consoles portables, c'est pour ça que dans mes vidéos, je les filme toujours, mes consoles portables, c'est pour que tu puisses te rendre compte de ce que ça donne une fois que tu l'as au creux de ta main, c'est plus du tout la même sensation. Et justement, un jeu portable, t'as une affection, t'as une espèce de côté petit, de côté dans ta poche. Les Pokémon ont eu du succès pour ça d'ailleurs. Et refaire un Pokémon sur un émulateur, c'est sans âme, tu vois. C'est sans. Si t'as pas le Pikachu dans la poche et que tu peux pas le prendre dans ton sac après, y a plus cette proximité, quoi. Bah, c'est comme Tamagotchi. Quand tu joues à Tamagotchi sur Game Boy, c'est pas drôle. Il fallait l'avoir dans la poche et qu'il te fasse chier à 3h du mat. D'ailleurs, c'est ça que je l'ai là, Tamagotchi aussi, sur Game Boy. J'ai mon build du Tamagotchi sur Game Boy, c'était l'enfer. C'est des questions qui sont ultra intéressantes et que je vais commencer à traiter dans mes vidéos. Ça vous intéresse, les questions d'écologie et de jeux vidéo et yes, de rétro. Carrément, c'est trop bien. Dans la prochaine vidéo qui va sortir dimanche, là, je commence à aborder le sujet. J'ai un truc qui me tient à cœur là-dessus, c'est l'affranchissement des générations de consoles qui... Est-ce que tu peux donner le titre de la vidéo? Parce que le podcast ne va pas sortir... La vidéo s'appelle « Le dernier jeu de la PS2 ». Le tout dernier jeu de la PS2. Yes. Trop bien. Ah, moi, je comptais le sortir ce week-end, le podcast. je savais pas, en fait, justement. Donc, voilà. Au moins, maintenant, ça sera dans un très bon timing, c'est pas grave. Ouais. Bah voilà, c'est cool. Par dimanche à 10h, si jamais. Mais du coup, oui, c'est la seule industrie culturelle que tu peux pas. C'est comme si on disait, bon, bah, vous avez pas le droit de consommer. On est au 21e siècle, on peut plus consommer l'art du 20e siècle. Les films, on peut plus, la musique, on peut plus. C'est grave. La peinture, on oublie tout, on repart à zéro, quoi. En plus, c'est vicieux parce qu'ils nous l'ont fait passer ça pour des avancées technologiques. Donc, en plus, pour eux, ils nous l'ont fait passer de manière positive. L'iPhone est passé de manière positive alors que concrètement, tu rachetais le même téléphone tous les ans, tu vois. Mais juste. Le fait que ça rame, le fait que du coup avec le nouveau ça rame plus, tu vois, c'est du confort, c'est par le confort ils t'ont, et c'est pareil, hein, racheter un jeu PS2 sur ta PS4 c'est du confort, mais par le confort ils nous ont niqué, quoi. Et je pense qu'il faut revoir un petit peu. C'est une décision qui est difficile et je comprends que politiquement il y en a qui se situent contre ça parce que ça implique de devoir remettre en question son propre confort. Et comme je disais, faire un Raspberry Pi, c'est pas le truc le plus confortable. Faut un peu bidouiller, faut mettre 4 vis. Il faut installer un OS, même s'il y a des tutos qui sont très bien faits, mais voilà, il faut y mettre un peu du sien, c'est pas clé en main, t'ouvres pas la boîte et tu branches pas le truc, t'as pas ce feeling de dopamine. Par contre, t'as un autre truc, c'est la satisfaction de pas avoir niqué la planète sur laquelle t'habites, et ça... Et il y a la satisfaction de l'avoir fait, tu vois. Enfin, voilà. Moi, j'ai passé plus de temps, vraiment, à monter ma recall box, à faire les images, à optimiser mes banques de jeux et tout. Ouais. J'ai mon truc un peu complet, j'ai mes ROM 7, machin, je suis content. Et du coup, j'ai mes banques de jeux. Je peux dire, ouais, bah, la totalité des jeux de NES, je les ai tous. Et puis, bon, par contre, il y en a trop. Hein, dans la bibliothèque, j'arrive pas à choisir, je passe une heure et puis je laisse tomber, je joue à rien. Non, mais mine de rien, c'est un skill, tu vois. Je suis pas survivaliste du tout, mais mets-toi dans la situation d'une catastrophe. Tu seras bien content de savoir faire des Raspberry Pi pour tes potes qui peuvent plus acheter ton sol parce que leurs putains de supermarchés ils sont fermés et que toutes les consoles elles ont été pillées. En cas de pandémie mondiale, les gens stockent du PQ. Ça se trouve, en cas d'apocalypse, les gens veulent des jeux vidéo. Stocker des Raspberry Pi, hein. Parce que pour le coup, tu peux tout faire avec. Si t'es un tant soit peu développeur, tu peux avec un Raspberry Pi, si tu veux, tu peux te programmer un micro-ondes. Il n'y a pas de problème. J'ai cette vision d'un mec qui veut jouer à Super Mario Bros avec son Raspberry et puis t'as son pote à côté qui pédale pour fournir l'électricité. parce que dans Métro 2033, les mecs ont des Raspberry, quoi. Mais en vrai, maintenant en plus avec les Raspberry, tu peux faire des consoles portables et tout, hein, donc c'est vraiment un truc de Mad Max du jeu vidéo, mais on est dans une époque où tout nous indique qu'on va arriver à Mad Max, donc moi je suis dit commencez maintenant, commencez à craquer vos consoles, passez le permis. Oui, passez le permis, ouais. Franchement, le Raspberry te sert à faire une tonne de trucs. Moi j'avais regardé vite fait, tu peux utiliser genre un système, tu mets un Linux dessus qui est du coup un système, un Ubuntu, un truc comme ça, qui est assez simple, qui ressemble presque à un Windows. Tu peux aujourd'hui, t'as un player vidéo intégré, tu peux avoir ton navigateur web les pour applis, les usages un peu de monsieur tout le monde. Les applis Spotify, Netflix. Mais ils ont un. Tu fais de la bureautique fastoche, ouais, quoi. Ouais, ils ont Raspberry, ils fournissent un OS maison, le Raspbian ou un truc comme ça, qui est un OS graphique à la Windows et autres. Et du coup, tu as effectivement ton mini ordinateur. Alors, tu es forcément limité en termes de capacité, mais pour une utilisation classique et moyenne, voilà, bureautique simple, etc., etc., avec un Raspberry, tu fais ta vie. Hein. Et effectivement, les listes d'applications de Raspberry, en fonction du degré d'implication et de codage nécessaire, tu peux faire des trucs assez fous. Hein. Assez fou. Tu peux transformer ta vieille Shenify en lecteur Bluetooth que tu commandes par ta télécommande ou même à la voix via ton Raspberry. C'est tout à fait faisable, quoi. C'est des trucs assez fêlés. J'ai un exemple assez concret d'obsolescence programmée comme ça sur un vieux PC portable que je traîne. C'est avec celui-là que je montais mes premières vidéos de Comics Rise. Donc c'est un truc qui a maintenant presque une dizaine d'années, je crois. Et, oh, le dinosaure, putain. Ouais, complètement. Il était sous Windows 7. Et donc, Windows 7, mise à jour, jusqu'au jour où la mise à jour ne se fait plus et où ton PC rend l'âme. Et tu te dis, bah, il est trop vieux. Et en fait, non, c'est juste que, alors, bien sûr, pas de théorie du complot, mais, en fait, Windows, à un moment, il a envie que tu changes de PC. Donc, il y a un moment où Windows, il marche plus. Et en vrai, bah, j'ai effectivement installé, je sais plus quelle version de Linux, enfin, un truc tout basique, c'est pas très compliqué à faire soi-même. C'est graphiquement très autant aussi intuitif que Windows. Et si c'est juste pour faire un peu de bureautique, aller checker tes mails et naviguer sur Internet, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, le PC qui a maintenant plus de 10 ans fonctionne très bien pour faire des petites activités basiques sur un PC, alors que Windows ne fonctionnait plus. Parce que même les OS, je pense, à un moment ou à un autre, sont faites pour un petit peu saborder ton installation, quoi. Et Punky parlait des jeux qu'on te revend sur les stores en dématérialisé. Alors ça permet sûrement à des gens de découvrir des jeux qu'ils n'auraient pas pu découvrir en physique il y a quelques années, c'est un fait, puisqu'effectivement on ne donne pas de deuxième vie à l'ancien matos, ce qui est regrettable, là où on est d'accord également. Mais la vraie grosse blague de l'histoire, c'est quand même qu'on arrive à te revendre éternellement des jeux que tu as déjà acheté, enfin tu vois que je pense qu'aujourd'hui un constructeur comme Nintendo pourrait peut-être donner un code unique à chaque jeu, et puis bah quand tu l'as acheté une fois, tu rentres ce code sur ton compte Nintendo et tu as éternellement ce jeu sur toutes les consoles Nintendo. Mais non, aujourd'hui, si t'as acheté un jeu Wii et que tu le veux sur ta Switch, ben tu vas être obligé de le racheter sur ta Switch. Il y a pas moyen de récupérer ton catalogue de jeux. Et là, c'est une grosse baise. C'est pour ça que personnellement, je joue de plus en plus sur PC, parce que avec des trucs comme Steam, etc., t'arrives déjà un parce peu. Parce que sur le PC, il y a pas ce truc de génération en fait de PC. T'as pas des générations de PC. T'as des PC et point. Tu vois. T'as un catalogue de jeux sur Steam. Alors si demain Steam ferme et se barre avec la caisse, bah je l'aurai dans le souci. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut. T'as déjà un peu plus d'assurance, en tout cas, d'avoir tes jeux à disposition. Mais le fait que les constructeurs n'aient pas mis un système comme ça en place, là qu'on me dise pas que c'est techniquement impossible, je suis désolé. Comme le dit Yanda, tu peux parler à ta chaîne Ifi, tu peux parler à ta console, ton téléphone, il sait en temps réel si t'es en train de chier ou en train de te laver les dents. Donc, si les constructeurs pourraient tout à fait mettre en place un système de compte lié avec voilà. Alors si ça existe plus ou moins, je sais que avec Nintendo, t'as l'offre payante qui doit pouvoir garder tes sauvegardes sur le cloud. Donc si ta console si ta console rend l'âme, tu récupères tes sauvegardes. Mais enfin bon, c'est quand même un peu un peu mal branlé en général. C'est pas dans leur intérêt du tout, et j'ai une preuve très concrète de ça. On parlait de jeux PS2 achetés sur PS4. Il faut savoir que cette offre de jeux PS2 sur PS4, elle a commencé sur PS3. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la PS3, les premières PS3 étaient rétrocompatibles. Elles étaient rétrocompatibles PS2. D'accord. Et puis, c'était que les premiers modèles. Et puis, ils ont ressorti un modèle qui était plus rétro-compatible. Sauf que, en fait, quand tu sais craquer une PS3, ce qui est extrêmement facile au passage, renseignez-vous, quand tu sais craquer une PS3, tu la craques et tu te rends compte qu'en fait, l'émulateur de jeu PS2, qui était dans la première 60 Go, il est aussi dans le modèle suivant. Et puis, en fait, il est dans tous les modèles. Et en fait, ils ont juste enlevé cette fonctionnalité parce qu'ils ont commencé à vendre des jeux PS2 sur le PlayStation Store. Donc, c'est pas une... ils t'ont fait croire, en fait, en ressortant des nouveaux modèles, qu'ils seraient pas rétrocompatibles parce que, pour que le prix soit moins cher, machin, truc, ce que tu veux. Non, c'était pour se refaire plus de thunes sur leur store, pour pas que tu remettes tes CD dans la console, pour que tu rachètes le jeu, tu vois. Et ça, c'est vraiment un coup de pute. Et cet émulateur PS2, qu'ils avaient développé, donc, à l'époque de la 60 Go, pour que tout le monde puisse mettre ses CD de PS2 dans sa PS3, tranquillement... Aujourd'hui, il est encore utilisé sur PS4. C'est toujours le même émulateur, pardon, que tu utilises quand tu achètes des jeux sur le PlayStation Store PS4. Donc, c'est voulu, c'est clair et net, c'est une décision qu'ils ont prise. C'est la rétrocompatibilité. Ça nous fait perdre de l'argent, donc on ne le fait pas. Et Xbox, de leur côté, ont eu la présence d'esprit de toujours proposer au moins une rétrocompatibilité partielle, ce qui est tout à leur honneur, même si c'est pas non plus ultra top. Nintendo est resté très longtemps aussi très très bon dans ce domaine, avec les 3DS qui lisaient les jeux DS et tout, mais pareil, avec la Switch, ils ont tout arrêté, donc voilà. Là, on est dans une situation où la rétrocompatibilité, ça devient une utopie, tu vois. Bon, du coup, j'ai le cas avec ma 360 qui a rendu l'âme, moi. J'en profite, c'est l'instant petite annonce. J'ai eu très longtemps une 360 des premières générations qui a fini par rendre l'âme. Et donc, je me suis dit, bon, soit faut que je trouve une 360 d'occasion pour pouvoir utiliser tous mes jeux, parce que j'ai une assez grosse collection de jeux sur 360. Soit je prends une Xbox One en espérant que la majeure partie des jeux soit rétro-compatible. Et bonne blague, étant un bon gros pigeon, j'ai tous les jeux Dragon Ball de la 360 qui sont exactement parmi les rares jeux à ne pas être rétrocompatibles. Donc en fait, si j'achète une Xbox One, je pourrais pas rejouer à mes jeux Dragon Ball, donc je suis obligé de chercher. Ou alors il faudra que tu le rachètes quand ils sortiront en remaster. Ce qui n'arrivera peut-être pas d'ailleurs, pour certains, qu'il y en a quand même qui sont très mauvais. T'es-tu renseigné sur la panne de ta 360? As-tu essayé de regarder? C'était le Red Circle of Death, c'est ça? Ouais, c'était le Red Circle of Death. Mais en fait, c'est déjà une console en fait qui a déjà été sauvée une fois. Enfin, c'est vraiment genre la console et de base, je l'avais récupérée. Je crois que mon frère avait dû la bidouiller. Enfin bref, cette console, elle a une durée de vie assez extraordinaire par rapport à sa condition de base. Bah, déjà, malheureusement, elle vous a supporté tous les deux, toi et ton frère. Déjà, ouais. Donc malheureusement, je crois qu'elle est vraiment arrivée au bout de sa life. Mais bon, voilà. Ouais. Et tu vois la 3.6, c'est dommage que aujourd'hui Microsoft lui-même propose pas. de quoi les réparer, tu vois, tout simplement. Enfin. Mais surtout qu'en plus, on va pas se mentir, là, la PS5 ou la Xbox, la prochaine Xbox, je sais plus comment ils l'appellent, c'est des PC en fait. Donc ils nous baissent deux fois plus parce que les mecs te vendent un PC qui a en fait une OS constructeur qui n'est pas modulable comme une véritable OS, alors que c'est juste des PC dedans. Donc les mecs nous enculent à mort. Désolé pour ceux qui s'enculent, c'était pas discriminant. Mais oh la vache. Mais c'est là où je voulais en venir en disant que le système de génération de consoles d'aujourd'hui n'a plus lieu d'être en fait, parce qu'autant à l'époque c'était basé sur des innovations technologiques quand on est passé de 8 à 16 bits et de 16 à 32 et puis les premières consoles 3D, ça avait un sens parce qu'il y avait des gaps technologiques. Aujourd'hui, c'est que des PC qui sont juste de plus en plus puissants. On te renouvelle le matos, en fait, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Les jeux tournent sur tout, quoi. L'avancée techno entre, par exemple, PS4, PS5, elle est à 95% marketing, à 2% matériel et performance. Et les 3% restants, c'est pour les confs et pour la poudre aux yeux, quoi. Il y a malheureusement... Enfin, le gap que tu vas avoir, c'est quoi ? C'est si ta télé le permet, l'affichage en 4K natif sur certains jeux, s'ils ont été développés avec le kit au moment de la mise à dispo, donc tous les jeux de la première vague, tu peux oublier. Ça sera au mieux sur les suivants. Le framerate, mais on sait que le framerate, il est jamais fixe sur un jeu tout du long. Enfin, les avancées technologiques prônées aujourd'hui et mises en avant comme disant « Mais regardez, c'est le turfu, c'est un truc de fou !» Elle ne justifie pas. Il y a rien qui tourne pas sur un PC puissant. Ouais, il y a rien qui tourne pas sur un PC de guerre. Exactement. Hein, il y a aucun jeu PS4 aujourd'hui qui tourne pas sur PC. Si les jeux étaient portés, on saurait les faire tourner, tu vois. Il y aurait pas de gap. Alors que à l'époque de la Dreamcast, c'est même plutôt l'inverse. C'est les jeux aujourd'hui qui font chauffer les PS4 parce qu'ils sont trop balèzes pour la console, alors qu'ils sont faits pour tourner exactement. Sur PC. Donc c'est plutôt ça le problème. Exactement. En fait. Donc, ouais, ça, et du coup, t'as une sens. Solution pour que je puisse rejouer à Burnout 3 sur PlayStation 2 ou pas ? Tu prends la version Xbox qui est rétro-compatible 360 Xbox One. Donc t'achètes la version Xbox de Burnout 3 Takedown, tu peux jouer sur ta Xbox One en mettant le disque dans la console. Yeah, bah j'irai jouer avec la nouvelle console de Chris. Voilà. Ouais, on fera les et Takedown, sur Xbox, dans les cash express, il coûte 50 centimes d'euros, 1 euro maxi, hein, Burnout 3. Quand je vois qu'ils ont ressorti le remake de Burnout Paradise qui est... Ah mais tant mieux, attends, c'est son prix, c'est le prix qui vaut et c'est le prix que je... Moi, c'est le prix que je l'ai acheté, c'est le prix qui vaut, et tant mieux que ça coûte ça, tu vois, justement. C'est, mais ouais, grave. C'est ça l'avantage des vieux jeux, c'est que ça coûte moins cher. Justement, c'est de ça que va parler ma prochaine vidéo sur le dernier jeu PS2. Le dernier jeu PS2, c'est un jeu qui était pas pour un marché occidental, qui était pour le marché brésilien, où la population est plus pauvre, où les lois sur l'importation empêchent les gens d'obtenir des consoles récentes, ce qui fait que en 2014, eux, ils étaient encore à la PS2 et qu'ils avaient encore des jeux qui sortaient dessus. Et il faudrait qu'on sorte des jeux sur les vieilles consoles, il faudrait ressortir des jeux Xbox qui tournent sur Xbox One, tu vois. Il y a des jeux qui sortent sur NES, là. Tu as dû voir l'info, Punky, j'imagine. Il y a un jeu qui va sortir sur Wii et Wii U. J'ai oublié le titre, mais c'est une opération un peu marketing. Oui. Ils ont décidé de le sortir. Ouais, j'ai vu. Mais c'est génial, c'est super. Moi, je veux ça. Moi, je veux des jeux qui sortent. Je veux qu'on m'annonce un jeu PS2. Moi, si on m'annonce un jeu PS2, je l'achète. Le titre. Si aujourd'hui on m'annonce un jeu PS2 qu'on me vend à un peu plus bas prix qu'un jeu normal, genre qu'on me vend 20 euros, tu vois, je l'achète. Pas de problème. Si le jeu il est bien, je l'achète. Vous avez entendu ? Punky l'achète ! Qu'est-ce que vous attendez, nom de Zeus ? I buy that for a dollar ! Je suis l'association MO5 sur les réseaux sociaux, qui est une association qui préserve les consoles et le matériel de jeux vidéo, les jeux vidéo, l'histoire du jeu vidéo. Et ils partagent régulièrement effectivement des projets, alors souvent c'est du crowdfunding, c'est des petits projets un peu indés, de mecs qui continuent à développer sur NES, Super NES, Mega Drive, etc. et qui sortent des jeux en boîte sur cartouche. Comme ça dans leur coin. Alors souvent c'est des trucs un peu de mecs pointus, passionnés, et ça vise pas du tout le grand public, mais il y a toujours des initiatives comme ça qui sont assez fun, en tout cas à voir, quoi, de se dire qu'il y a des mecs qui continuent d'avoir envie de développer et de voir jusqu'où on peut pousser telle ou telle console à laquelle on jouait quand on était gamin. Le marché du jeu indépendant a beaucoup de succès dans les pays où la population, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Au Brésil, les jeux indés sont super bien accueillis parce que souvent c'est du démat, c'est sur PC. Ça tourne sur du vieux matos parce que c'était des jeux en 2D, des trucs comme ça, donc ils peuvent y jouer. Et t'as des grosses communes autour de ça. Pareil, la DS et la PSP, la Vita ont eu des beaux succès après coup au Brésil, avec des jeux indés qui sortent toujours dessus aujourd'hui. Encore des jeux, Shovel Knight par exemple a été mis à jour sur Vita il y a pas longtemps. Voilà, c'est moi je salue ces initiatives parce que t'as pas besoin de racheter une console et donc t'as pas besoin encore de faire payer ta planète pour jouer à un jeu qui est récent, qui est nouveau, qui est cool et sur lequel tu t'amuses. Et qui va être moins cher. C'est vrai qu'on voit ça comme un, enfin, c'est un truc typique du jeu vidéo, c'est ce que tu disais, le côté générationnel, et genre, quand la nouvelle console est sortie, on arrête de développer des jeux sur l'ancienne. C'est un peu comme si, par exemple, quand on a inventé la guitare électrique, on avait arrêté de jouer de la guitare. C'est classique. Exactement ça, et, ouais, c'est trop ça. Pour comparer ça à un truc que je connais de plus près. Enfin, c'est pas parce qu'on sort de nouveaux types de matériel. C'est comme si. Pour la musique, on arrête d'utiliser l'ancien. C'est comme si les BD en noir et blanc, une fois qu'il y avait la couleur qui était sortie, il fallait recoloriser toutes les BD pour pouvoir les relire, sinon on pouvait pas les lire, tu vois, sinon c'était interdit. Non, mais ça, c'est parce que t'es pas vraiment un consommateur acharné non plus, quoi. Ah non, ah bah, c'est clair, moi je suis anticapitaliste, donc je suis pas un consommateur de ouf non plus. Moi, ça fait. Le dernier jeu neuf que j'ai acheté, c'était Alan Wake, et c'était le 10 mai 2010. Donc ça fait 10 ans que j'ai pas acheté de jeu neuf. J'achète tous mes jeux en occasion, même Kingdom Hearts 3, qui était le jeu que j'attendais le plus depuis 10 ans. Je viens de l'acheter la semaine dernière parce que j'ai trouvé en occasion. Je l'ai payé plus cher qu'en neuf. Il était à 10€ de plus qu'en neuf, mais je voulais pas donner de l'argent à Square Enix pour une VF qu'ils ont pas faite. Et je voulais pas. Et surtout, je veux le marché de l'occasion. Il doit vivre, tu vois. Le Bon Coin, moi, c'est un truc que j'adore. Je trouve que c'est quelque chose. Tu peux trouver tout. Enfin. Tout et n'importe quoi sur le Bon Coin et que t'as pas à l'acheter neuf et t'as pas si tout le monde achetait d'occasion, les mecs qui sont officiels des grandes entreprises seraient bien emmerdés parce qu'ils feraient moins de ventes et du coup ils fabriqueraient moins de trucs. Pas qu'il faut boycotter. T'as vu que mais faut au moins en parlant du Bon Coin, c'est marrant, mais t'as vu qu'ils ont racheté un bout de eBay, le Bon Coin. Ah ouais. Ils ont racheté la plateforme Petites Annonces de eBay et du coup, bah t'as dans la presse, t'as des titres genre Le Bon Coin s'offre eBay quoi. Et, c'est trop bien. Mais ouais, eBay ça a des côtés milliards et ils deviennent le premier pôle de petites annonces du web ou un truc comme ça. Alors truc de ouf, j'ai appris ça hier. Vinted, le site, enfin l'appli et le site qui permet de revendre tes fringues et de les foutre dans un carton et de les envoyer. À quelqu'un qui te rachète tes fringues, et ben en fait il y a des petits malins qui commencent à vendre des DVD et des jeux sur Vinted, ouais. Mais qui est un site pour ouais. des fringues. Mais je savais pas mais du tout. Donc c'est drôle parce que du coup c'est écrit en dessous à chaque fois taille unique. Effectivement, c'est un boîtier DVD. C'est un détournement ouais, de l'utilisation de base. Pensé pour Vinted qui était effectivement que de la SAP. Je trouve ça trop drôle. Et maintenant, trivia, la VHS de Donkey Kong le film qu'il y a dans ma vidéo sur Donkey Kong le film, je l'ai acheté sur Vinted. et ma peluche Bill du Mixil aussi. Mais il y a beaucoup de comics, hein. Il y a des mecs qui spéculaient sur Vinted en revendant les fameuses offres comics là, de l'été chez Urban ou chez Panini et ils revendaient ça une blinde. Ça, c'est. En fait, il y a pas mal de trucs qui sont. Il y a une raison à ça, en fait, tout. Enfin. Assez factuelle et concrète, c'est que sur le principe de fonctionnement de Vinted, les frais liés à une vente, c'est l'acheteur qui les paye et pas le vendeur. Donc c'est plus intéressant. Tu te fais doublement avoir, tu as payé tes bouquins trois fois plus cher, tu payes les frais. C'est plus intéressant quand tu fais un achat, enfin quand tu vends quelque chose, c'est plus intéressant de le vendre via Vinted que via je sais pas une marketplace X ou Y ou le Bon Coin en passant par le système de paiement du Bon Coin que maintenant ils ont mis en place. Si tu fais le Bon Coin mano à mano, bon ben là voilà, tu peux pas tester, mais un système de paiement en ligne sur 98% des sites marchands, c'est le vendeur qui paye les frais et pas sur Vinted. Sur Vinted, c'est l'acheteur. Le Bon Coin de mano à mano, ce fameux système où les mecs n'ont jamais prévu assez. Tu sais, tu leur as dit c'est 50, ah bah j'ai 40, oh bah merde. Ah, moi c'est non, voilà. Moi c'est bas. Et là c'est le mec, s'il a fait 2 heures de route, tu lui dis mais pas grave, rentre chez toi, va chercher les 10 kilos. Ah bah non, moi c'est clair, c'est pareil. Moi je revends rien sur le Bon Coin, mais j'achète. FDP. Mais il y a un vrai problème de législation, mais c'est dans le monde, hein, c'est dans les pays occidentaux en général, il y a un vrai problème de législation sur l'occasion. Ce qui fait que dès qu'il y a une forte demande, tous les prix augmentent et donc il y a de la spéculation qui se crée. S'il y avait ne serait-ce qu'une loi qui t'interdise de revendre un truc plus de tant de fois son prix, en dehors de certaines dérogations pour certains objets vraiment rares, tu vois, mais des objets de consommation quotidienne, il faudrait une loi qui t'oblige les gens à pas dépasser un certain seuil, parce que c'est à cause de ça aussi, c'est à cause de ça que beaucoup de jeux ont été perdus. On a des prototypes de jeux qui ont été achetés par des collectionneurs et qui pourrissent au fond d'une cave, alors qu'ils pourraient être dumpés et étudiés via un émulateur à l'infini, partagés, reproduits, etc. Et imagine, on fait la même chose dans l'entreprise. On fait en sorte que le patron ne puisse pas gagner plus de X fois le salaire de la personne qui est le moins bien payé dans sa boîte. Moi, je dis, ce serait vraiment pas mal. Ça vous dirait pas qu'on monte un petit parti politique anarcho-communiste J'allais dire, tu veux dire que notre système qui est basé sur la spéculation, en fait, tout le système économique est basé là-dessus, devrait faire une loi contre ça? Je pense, il y a peut-être moyen. Il y a une boîte qui l'avait fait, ça. Hein. Je me souviens plus le nom, mais ça me dit quelque chose, une boîte en France, si je ne m'abuse. Mais alors là, c'est une mission fact-checking, Valentin, assez violente. Il y a une boîte où un patron a annoncé il y a quelques temps qu'il avait en fait plafonné les salaires des responsables et des encadrants, entre guillemets, des décisionnaires je sais plus combien, le SMIC max. C'est plafonné, ça ne peut pas aller au-dessus. Ça existe dans plusieurs entreprises, hein, au moins en France, ouais, où effectivement les dirigeants, les plus haut placés dans l'entreprise ne gagnent pas, je crois, de plus de 10 fois le salaire minimum. Bah, il me semble que ce soit partout, sinon on vous brûle. Voilà. On vous brûle et on vous mange. Je voudrais revenir vite fait sur le bon coin de Mano à Mano. Est-ce qu'on a des réductions si on fait partie de la tribu de Dana? Ça fait 5 minutes que je voulais pas. C'est pour ça que tu trépignes. Je vais de ce pas demander à Hakim Lefort. Il y a une araignée sur le fauteuil, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, il voulait. Tu as revendu ta femme, ton fils et ton domaine, c'est ça? Je vais de ce pas demander à Hakim Leforgeron ce qu'il en pense. Hakim, le fils du forgeron, pardon. Oui, mais son père s'appelait pareil que lui. Oui, ça marche aussi. Ils avaient le même nom. Du coup, cette spéciale va quand même toucher à sa fin, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez. Oh, mais puisque pas un truc où t'es puisque comme nu, vous, je n'ai pas envie quoi. Qu'on se quitte. Tu je vous propose. Tu vas monter l'émission et qui se dit putain, on est déjà, je sais pas combien de temps d'émission. Moi, on m'avait promis Matt tout nu, mais je l'ai pas eu. Là, on est à 2h20. Non, c'est surtout que je vois l'heure et je sais que je me lève dans 6h, en fait. Mais comme je n'ai pas envie. Ouais, exactement. D'accord, dinosaure. Mais comme je n'ai pas envie qu'on se quitte comme ça, je propose un petit bonus qui sera en plus un teasing pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode avec les gars, on va parler des comédies françaises qui ont marqué notre enfance. Oh. Ah bon, Punky, c'est quoi toi les comédies un peu moisies qui ont marqué ton enfance? Ah, moi, alors c'est plus mon adolescence, mais j'ai une trilogie que j'appelle la trilogie du teen movie nanar français. C'est 3 films qui sont sortis un peu dans la vague American Pie des années 2000 et qui ont essayé d'un peu de reproduire ce qu'était l'esprit teen movie américain, mais en France. Ah oui, je sais. Alors, le premier, c'est La Boîte, sorti en 1999 avec Gérald Dahan et Jean-Marie Bigard. Ah oui. Voilà, c'est ça, il y a Bigard. Il y a Bigard. Attends, c'est un teen movie avec Jean-Marie Bigard. Ouais, il joue le méchant. Et sinon, ouais, non, il y a. Il y a plein d'acteurs inconnus et plein de gens qu'on fait une carrière après et qui aimeraient que tu les aies pas vus dans ce film. Il y a le deuxième, c'est Sexy Boys. Et ça, c'est vraiment littéralement, ça a été vendu comme le American Pie français. Pour te dire, ils ont même refait la scène de la tarte aux pommes de American Pie, sauf qu'à la place, c'est des spaghettis dans un gant de cuisine. Et le troisième... Qui ne l'a pas fait, hein? Voilà. c'est pas terrible non plus. Et il y a Laurent Baffy dedans qui fait un caméo. Vas-y savoir pourquoi. Et le troisième, c'est Les Gaous, aussi avec Jean-Marie Bigard d'ailleurs, qui est pareil... un film teen movie inspiré du film Loser, qui était un film avec Jason Biggs, la star d'American Pie. Et c'est rigolo parce que j'ai revu Les Gaous il y a quelques temps et je me suis rendu compte que j'habitais à 100 mètres d'un des lieux de tournage du film. Donc tout le début du film se passe dans ma ville et à des endroits que je vois tous les jours. Donc c'est devenu un truc qui me tient à cœur. C'est rentré dans mon lore personnel. Ah, mais moi je suis étonné que tu n'aies pas cité Gamer avec Saïd Tagmaoui. Mais bon, Gamer, Karim Debbache qu'on a fait une chronique dans Cross. Ouais, je l'ai jamais vu. Non, moi j'ai vu un truc qui parlait de jeux vidéo. C'était un truc qui s'appelait C'est un truc avec Smaïn et Antoine Decaune et Ariel Dombal. Ça s'appelait, je sais plus quoi, mais en gros, c'était un couple qui essayait d'avoir un enfant et qui faisait appel à un donneur ou je sais pas quoi. Et en fait, le donneur en question, c'était Smaïn et il était développeur de jeux vidéo. Donc, t'avais beaucoup d'imagerie jeux vidéo dans le film. C'est un des seuls trucs français que je me souviens avec du jeu vidéo dedans. Est-ce que c'est les deux papas et la maman? Peut-être. Je sais pas. C'est le premier truc ouais, que je vois pense en c'est peut-être ça, ouais. Smaïn et Ariel Dombal. Ouais, c'est peut-être c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas un film qui mériterait un ciné mini, ça? Oh non, au secours, non, par pitié. Ouais, ça doit, oh, ça doit être ça. Il y a Julie Gayet aussi dans le film, dis donc. Ouais, voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Et bien, ça donne drôlement envie de le voir. Ouais, dis donc. Ouais, c'était, je l'ai vu qu'une fois parce que c'était passé à la télé, mais ça m'a marqué. Je m'en vais de ce pas le chercher en solderie à moins d'un euro. Je sais même pas si c'est sorti en DVD, mec. À mon avis, il faut falloir VHS, taper ouais. La VHS. Hein. C'est... Ah merde, je ressors le magnétoscope. Et moi, la scène qui a été de film qui a été tournée à côté de chez moi, c'est la scène de braquage de banque de Doberman. De Dark Knight, ah merde. La classe, tu imagines. Ouais, bah dans Dark Knight, il y a mon facteur. De Brice de Nice. C'est la scène de braquage de Brice de Nice qui a été tournée à côté de chez moi. En même temps, ça va, la scène de braquage de Doberman, il n'y a plus. Ouais, c'est vrai, cool. Et en fait, vraiment une banque. C'est moi, c'est le moment où je me suis rendu compte des trucages du cinéma, parce que je sais que cette rue fait 150 mètres. Et que du coup, il y a quand même une scène de poursuite en bagnole où les mecs sont censés être coursés par des keufs, se tirer dessus, il y a une fusillade, ils prennent un mec à travers la fenêtre, ils lui mettent une grenade dans son casque de moto et ils le lâchent. Et je sais que c'est pas possible que ça cette scène dure 7 pas. Minutes quand tu rentres à 130 km/h, ça ne marche pas, quoi. Et au bout, il y a la préfecture de Nanterre, donc ça ne fonctionne pas. Tu risques un accident. Ça me fait penser à un film français avec Gilles Lelouch, où il y avait une poursuite dans le métro Olympiade à Paris, à la station Saint-Lazare, tu vois. C'est vraiment tout le métro de Saint-Lazare dans lequel je passais vraiment tous les jours à l'époque. Et je vois la poursuite, et tu te rends compte qu'en fait, il fait trois fois le tour de la station, le gars tourne en rond. Il est censé s'enfuir, mais il tourne en rond dans Saint-Lazare. Et je fais, mais mec, c'était là qu'il fallait sortir. Punky, j'étais ravi de passer cet épisode avec toi. Mais c'était un plaisir. Vous me réinvitez quand vous voulez. Je reviendrai avec plaisir. Alors, okay. On se dit vraiment au revoir. Là, du coup, tu veux aller te coucher. Bisous, salut. Matt. Bah moi j'ai épuisé mes sujets, on est à 2h27 de trucs, en fait, donc je suis juste un peu déçu, peut-être en 3 minutes, histoire de faire 2h30 pile. On a tous donné une anecdote caca dans ce podcast, mais par contre l'invité n'a jamais donné d'anecdote caca. Est-ce que tu as une anecdote caca qu'on pourrait rajouter à notre collection d'anecdotes caca? Un endroit où t'as fait caca un peu bizarre, ou alors une situation un peu bizarre, ou voilà. J'ai fait les scouts, donc j'ai fait caca dans des trous. Et voilà. Et j'ai une anecdote, pas de caca mais de prout. Ah, c'est bien aussi, on prend. Ouais. Quand j'étais ado, on m'a laissé toute une journée à Paris tout seul parce que je devais attendre un train pour partir dans une colonie de vacances. Et du coup, j'ai passé ma journée dans les grands magasins, j'étais à Lafayette et tu sais, j'avais mangé un méga kebab. Et je sentais que ça passait mal. Et j'étais dans Lafayette, je regardais un peu les galeries Lafayette et tout le machin. Non, c'était pas, pardon, c'est Carrousel du Louvre. Carrousel du Louvre. Je faisais boutique au Carrousel du Louvre. Si vous voulez aller sentir, il y a encore des restes. Mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est que j'étais dans une boutique de DVD ou de je sais pas quoi, et j'ai lâché la méga. Mais vraiment, le pet qui dure 25 secondes, tu vois, ça sort en une fois, tu vois. Et en fait, j'avais réussi un peu à camoufler le truc. Je me suis fait griller, mais j'avais une bouteille d'eau vide dans la main et je l'ai fait craquer en même temps, tu vois, pour pas trop que ça s'entende. Oh, génie. Ouais, il y a eu un. Et puis tu sais, il y avait aussi une douleur, donc tu vois. C'était... Parce que je me retenais, j'étais là. Et en fait, j'ai été refaire la colonie de vacances l'année d'après, donc j'ai redû attendre mon train une demi-journée à Paris et je suis retourné dans ce truc et ça pue encore la merde. Je sais pas si c'était moi, mais j'y ai pensé. J'ai revu le magasin déjà de loin. Je me suis dit, ah, c'est là que j'avais lâché ma caisse. Et j'y suis retourné sans honte. Et j'ai senti une petite odeur. Et j'ai fait, j'espère que c'est pas moi qui ai laissé ça quand même. J'espère que ça s'est pas incrusté dans les murs, quoi. Il faudrait qu'on retrouve certaines de nos victimes quand on va faire un épisode d'anniversaire, genre l'autre 50. le mec du garage où je suis allé faire caca, la dame qui a nettoyé l'ascenseur dans lequel Valentin a pissé, enfin ce genre de choses quoi. Ouais, une fois j'ai fait un vrai coup de Trafalgar dans un bar à Paris, mais les bars à Paris, le problème c'est que dès que tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est faut consommer. Ouais, bah s'il te plaît, je suis pas un camé, je veux pas me faire mon fixe, je veux juste pisser, tu vois. Et genre une fois j'étais vraiment pas bien et ça se voyait, hein, ça se voyait, j'étais tout pâle, j'étais malade et tout. Et là je lui demande gentiment, je dis excusez-moi, là j'ai pas d'argent sur moi. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes parce que je me sens pas bien. Est-ce que si vous voulez, je vous emprunte, je vous les laisse comme je les ai trouvés, tu vois. Je lui dis vraiment, machin. Elle me dit, non, faut consommer et tout. Elle me dit, non, faut consommer. Je dis, c'est combien le café, machin. Elle me dit, c'est machin. Je lui dis, c'est 1 euro, je sais pas quoi. Je lui dis, oui, ok, je vais prendre un café, je le boirai juste après, faut que j'aille aux toilettes. Elle me dit, d'accord. T'inquiète, j'ai chié toute ma race. Je lui ai laissé, je te jure, franchement, une coulée de terrain. Une coulée de terrain, vraiment. Une descente d'organes. J'ai rien nettoyé. Je me suis barré sans payer le café, sans boire, avec un gros doigt d'honneur en mode vas-y, nique ta race. Je l'ai fait une fois à Paris, mais vraiment parce que j'en pouvais plus et que je me sentais pas bien et que j'étais limite les larmes aux yeux, tu vois. Là, c'est les larmes qui sortent parce que sinon, c'est autre chose. Ça pousse dans l'autre sens. Donc ouais, ça c'était anecdote caca assez dégueulasse. Impeccable, parfait, tu pouvais pas mieux illuminer la Quel fin de ce podcast. Quel bel épisode d'anniversaire, ouais, ouais. Je pense que c'est un vrai feu d'artifice. Oh. Eh bien, c'est parfait. Là-dessus que nous allons conclure ce 10e épisode de l'Estaminaire, d'un épisode un peu spécial, c'est notre anniversaire un peu. Joyeux anniversaire. Par un cadeau. Trois mois. Est-ce qu'il y a les noms des dans le générique à la fin comme au Club oui. Dorothée ouais. Comment ça se passe en accéléré et tu ne peux pas les lire. Il y a les gens. Oh, merde. Tous les gens qui ont utilisé le code créateur et les liens d'affiliation pour les achats de toutes les marques et de tous les articles cités dont nous avons fait l'éloge depuis les 10 épisodes de ce formidable podcast qui est Estaminor. Si vous avez précommandé une PS5 avec le code affilié, vous êtes dans le générique. Avec le code créateur Estaminor, c'est bon, vous apparaissez dans le générique. Merci la communauté, merci la vie, c'est important, c'est grâce à vous que nous sommes là. Bref, bisous, rendez-vous au prochain épisode de l'Estaminerd. Merci Punky. Merci à vous. Et les amateurs de Punky en podcast, du coup, c'est sur Some Stoner Stuff. Some Stoner Stuff, les trucs de Stoner. Ouais. Moi, je croyais que c'était le Rock Stoner, j'étais très déçu quand j'ai écouté au début. Ah oui, bref. C'est pas la même chose. Mais c'est cool, merci d'être venu dire de la merde avec nous. C'était un vrai plaisir. Je reviens quand vous voulez, encore une fois, c'est pas une menace. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Ce fut un vrai plaisir, à bientôt. Et surtout, lavez-vous les mains.